y a du monde dans la boulangerie. Madame. Non, cher Marquis. Qu'est-ce qu'on se dit? Merde. Hein? Parla-mi d'amore. Mon Dieu, heureusement que nous allons en Provence. Ouais. Ah oui, parce que... Parce que Paris, là, c'est pas possible. Oh. Mais... Ah, des cigales, c'est pas possible. Allez, allez, allons. C'est un meilleur en Provence, hein. Décor, décor, décor, on se met en place. Allez, bonjour. Oh, ça va? Très bien, monsieur l'instituteur, très bien. Je voulais vous demander un petit service. Oui, oui, vas-y. Vous connaissez Casimir, le gérant du cercle, oui. Celui qui a le bureau tabac. Oui, et puis? Eh bien, il faut lui dire qu'il y a un chien mort dans son puits, le puits du cercle. C'est Cassotti qui l'a vu tomber dedans. Alors, si on ne le prévient pas, il va nous faire boire de cette eau dimanche à l'apéritif. Alors, il faut lui dire. Eh bien, pourquoi Cassotti n'a pas averti? Oh, il peut pas. Ils sont fâchés. Ils se sont battus il y a 20 ans au régiment et depuis, ils sont fâchés. Mais pourtant, il va boire l'apéritif au cercle. Ah ouais, mais il ne parle jamais. Non, non, il commande qu'à la petite, comme moi. Ouais, parce que moi aussi, je suis fâché avec Casimir. Ah bon, pourquoi? Ouh, ça vient de loin, vous savez. Mon père était fâché avec son père. Et mon grand-père était déjà fâché avec son grand-père. Et déjà, nos grands-pères, ils ne savaient pas pourquoi. Ouais, parce que ça venait encore de plus loin. Bon, ça devait être, sûrement, ça devait être une chose grave. Hein. Vraiment, une bonne raison. C'est vraiment un village de crétins. Mais non, monsieur l'instituteur, c'est un village, on a de l'amour propre, voilà tout. Enfin, deux pelés, quatre tendus et tous fâchés les uns contre les autres. Oh, mais ça rencontre quand même au cercle ou à la chorale. Ouais, mais ceux qui sont fâchés, ça parle pas, hein. Bon, j'avertirai Casimir, oui. Je vais d'abord voir le pain du nouveau boulanger. Ah, c'est ce matin qui commence? Oui, la première fournée doit sortir vers 11h. Alors, je préviens Casimir, hein. Ah, et surtout, ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, ça ferait parler, on me jugerait mal. Pardon, monsieur l'instituteur, je désire vous dire deux mots si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah, mais je n'en vois aucun. Un chien regarde bien un évêque. Monsieur le curé peut en parler à monsieur l'instituteur. Oui, malgré le temps désobligeant de votre réponse, les devoirs de ma charge m'obligent à continuer cette conversation. Car ce que j'ai à vous dire est très grave. L'autre jour, avant-hier exactement, vous avez fait une leçon sur Jeanne d'Arc. Ah oui. Oui, c'est pas que ça soit amusant, mais c'est dans le programme, alors. Et à cette occasion, vous avez prononcé devant les enfants les phrases suivantes. Jeanne d'Arc était une petite bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien ce que vous avez dit. Ah, c'est très exactement ce que j'ai dit. Oui. Songez-vous à la responsabilité que vous avez prise quand vous avez dit crut entendre? Ben, je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. J'ai dit que Jeanne d'Arc crut entendre des voix. C'est-à-dire qu'en ce qui la concerne, elle les entendait fort clairement. Mais en ce qui me concerne, j'en sais rien. Comment, vous ne savez rien? Ah non, monsieur le curé, ça, je n'y étais pas. Comment vous n'y étiez pas? Ah non, non, ça, en 1431, j'étais même pas né. N'essayez pas de vous en sortir par une pirouette, hein. Vous n'avez pas le droit de dire « cru t'entendre ». Vous n'avez pas le droit de nier un fait historique. Vous devez dire « Jeanne d'Arc entendit des voix ». Ouais, enfin, en somme, vous êtes furieux parce que j'ai parlé de Jeanne d'Arc qui, selon vous, vous appartient. Mais vous-même, monsieur le curé, vous arrivez de piétiner mes plates-bandes. Ainsi, vous avez dit l'autre jour aux enfants du catéchisme que je me trompais et qu'en histoire naturelle, il n'y avait pas trois règnes, qu'il y avait quatre règnes. Mais parfaitement. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, ce qui est scientifiquement démontré. Ah non, il est scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité. Vous vous considérez donc comme un animal? Ah, sans aucun doute. Eh bien, vous avez certainement raison. Donc permettez-moi de me retirer sans vous saluer, car je ne salue pas les animaux. Non, non, non, non et non. Mais ces trois hommes, ils te servent à rien, ils sont juste au bord de ton pré. Qu'est-ce que ça peut te faire de les tailler? Au contraire, tu aurais du bois pour cet hiver. Ces arbres sont à moi, je les taillerai si je veux. Bon, tu vas pas me forcer quand même à couper mes arbres, non? Des arbres qui sont chez moi. Oui, les arbres sont chez toi, mais leur ombre est sur mon jardin. Eh ben oui. Parfaitement, ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont juste au midi de mon potager, ce qui fait que toute l'année, du matin au soir, cette ombre tombe sur mes légumes et elle tourne comme une faux. Ils me mangent mon soleil, les arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Écoute, Barnabé, ce n'est pas de ta faute, mais pour lui, tes ormeaux sont mal placés. Ah, mais c'est peut-être son jardin qui est mal placé. Eh oh, et si je me plaignais, moi, hein, si je disais que j'ai des arbres magnifiques et que je ne peux pas me mettre à l'ombre de mes arbres parce qu'elles s'échappent chez lui. Eh oh, l'ombre de mes arbres est à moi, quand même, non? Oui, elle est à toi, et puisqu'elle est à toi, je te prie de la retirer de chez moi. Ça, il le dit à sa façon, mais il n'a pas tort, hein. Ah, tu veux peut-être que je change le soleil de place? Il veut que tu tailles tes arbres. Et il me semble que c'est son droit. J'ai fait des épinards géants cette année. Eh bien, mon ami, les épinards géants, je te les ferai voir. Ils sont pas géants du tout. Ils sont pas plus hauts que du cresson. Mais ben alors, fais du cresson si tu veux. Moi, mes arbres, je n'y toucherai pas. Bien, on ira au juge de paix. En attendant, je te retire la parole. Eh hey, voyons ton œil. Oh, laisse-le faire, va, si tu crois que ça me touche. Oh là là, au contraire. Oh. Eh bien, d'accord, qu'il ne me parle plus jamais. Ah. Et si un jour tu m'entends lui adresser un mot ou lui répondre, je te donne la permission de me cracher à la figure. Oh, Arsène, alors le pain est beau? Ça se prépare. L'instituteur est allé jeter un coup d'œil sur la fournée. Ah. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ma foi, je ne suis pas boulanger. Enfin, il me semble que cet homme-là connaît parfaitement son métier. Il en a déjà sorti du four? Non, dans 10 minutes. Qui sait s'il le fait bon? Et alors, pourquoi je le ferais mauvais? Que tu le ferais mauvais, seulement tu comprends. Il y a pain et pain. Ah, celui qui le faisait avant toi, non. Celui qui s'est pendu dans la table. Parlez jamais ça devant ma femme, hein. De savoir qu'on prend la suite d'un pendu, ouais, ça l'impressionnerait, hein. Peut-être qu'elle ne voudrait pas rester ici, hein. À la motus, hein. Motus, hein. Ah oui, on a compris. Motus. Motus. Motus. Alors, l'ange, quand il se pendait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait une paix, mais ce paix n'était jamais pareil. Non, quelquefois très bon, mais parfois pas mangeable. Ah, surtout le dimanche matin. Ah, parce que tu comprends le samedi, il prenait une fuite terrible. À la Nice. Alors, le soir, vers minuit, quand il commençait à péter, il savait plus ce qu'il faisait. Une fois dans le pain, on a retrouvé la moitié d'un cigare. Une autre fois, un dimanche matin, le pain, il avait le goût de la Nice. Oui, mais les enfants se sont régalés. Vous supportiez ça, vous autres? Qu'est-ce que nous pouvions faire? Allez chercher le pain ailleurs. T'es pardi, nous l'avons fait longtemps. Ouais, mais oh, le plus près, c'est à Bosch, à 12 kilomètres. Et par des chemins de montagne. Alors là, on en prenait pour une semaine. Oui, mais au bout de 4 ou 5 jours, le pain était si dur qu'on s'y cassait les dents dessus. Alors on revenait chez l'ange. Parce qu'il ne faisait pas toujours bon, mais il le faisait toujours ici. Oui, où je le fais, moi? Il a raison. Attendons avant de juger. Et où étiez-vous, boulanger, avant de venir ici? Ah, mais j'étais à Valençon et puis à Manon. Et j'ai gagné des sous, hein. Pourtant, il y avait de la concurrence. On était 3 boulangers, hein. C'était pas un village comme ici, c'était une petite ville, hein. C'était une petite ville, hein. Et il y avait des connaisseurs, hein. C'est parce que les connaisseurs, ils te voulaient plus que tu es venu chez nous. Non, je suis venu ici pour faire plaisir à ma femme. Parce qu'elle craint le froid. Et qu'ici, c'est beaucoup moins haut. Mais les connaisseurs, quand je suis parti, vous savez ce qu'ils ont dit, les connaisseurs? Non. Vous savez ce qu'ils ont dit, les connaisseurs? Ils ont dit, boulanger, on te regrettera. On te regrettera. Et parmi ceux qui ont dit ça, il y avait le receveur buraliste. Et le greffier du juge de paix. Alors l'autre, là, cavalier du pain, où le pendu a dégueulé son pernon, il demande si je le ferai bon. Hein? Eh bien, je le ferai toujours aussi bon qu'ici. Non, oh, les apéritifs jambonnières, jaolo, même pas du vin. Même pas du verre. Mais alors la pâte, quand je la touche, je la bouge, hein. Et pas lui, pas ma pelle, hein. Ah, ce qui est important, c'est que tu nous fasses du pain. Pourvu qu'il soit aussi beau que ta femme, eh ben, ça nous suffira. Il n'est pas difficile. Oh, du pain aussi beau que ma femme. Je ne sais pas si elle n'a jamais fait du pain aussi beau que ma femme. Ah, là, tu as raison, boulanger. Elle est belle, elle est belle. Oh, oui, ça, elle est belle. Hein? N'est-ce pas, hein? Ah, ça, ça, on peut le dire. Monsieur l'instituteur, elle est belle, hein? Ah, ça, mon cher, c'est d'essayer tout à coup la nuit, dans une ruelle obscure, de m'embrasser fortement sur la bouche, ah, je porterai pas. Ça, je vous le souhaite à vous, mais je ne le souhaite pas à moi. Alors, si je vous fais du pain, moitié aussi beau que ma femme, ça vous suffira, alors. Ah, ben, je comprends, oui. Et ben, moi, pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fût aussi beau que du pain. Car la beauté des femmes est éphémère et se fane comme les fleurs. Ce qui fait plaisir aux vieilles betteraves qui ne risquent pas de se faner. Je suis content que vous la trouviez belle. Hein. Et encore, vous ne l'avez pas vue habillée du dimanche, hein. Vous ne l'avez pas vue. Ou alors le soir, quand elle se prépare à se coucher, là. Hop, hop, hop, hop. Oui. Quoi? Le pain est prêt. Ah, ah. Ça ne veut pas qu'on parle d'elle. Hein. Ils sont bons. Terre, voilà monsieur le marquis. Ah. Bonjour, madame la boulangère. Je suis madame. Je suis madame. Le marquis Cassandre Nel, chef d'escadron dans la retraite, mais, paillard en activité. Je vais vous dire, chère madame, que je suis très sensible à l'éclat de votre visage et que je vous suis profondément reconnaissant de bien vouloir être si belle. Bon, ceci dit, je vous présente mon berger, il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez, pour vous prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, que tu me fasses ces 30 pains deux fois par semaine, en plus de ta fournée quotidienne. Et alors, le samedi, si tu avais une douzaine de croissants de brioche, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à les mettre dans mon sac. Bien, monsieur. Monsieur Marquis. Monsieur Marquis. Alors, tu sais, si je te parle de croissance et de brioche, c'est qu'en effet, dans mon château, qui n'est en réalité qu'une ferme, mais castellisée par ma seule présence, j'héberge en général trois ou quatre dames de petite vertu, n'est-ce pas, que j'entretiens dans un luxe rustique, pour le plaisir de mes jours, et le dévergondage de mes bergers. Parfaitement, monsieur le marquis. Non, pas parfaitement, ce n'est pas la vie du curé. Enfin, pour ce qui est de ta note, il te la paiera tous les samedis. Ah oui, alors, un détail pratique. Comme pour donner 30 pains, il faut au moins 10 minutes. Oui. Dominique ne viendra qu'à midi pour ne pas faire attendre tes clients. Oui. Pour aujourd'hui, c'est lui qui va attendre. Oui. Dominique, mets-toi dans ce coin et attends. Oh, il est très beau. Ah, oui. Comment s'appelle-t-il? C'est Pompon, oui. Ah. Oui, dans une boulangerie, il faut se méfier des rats. À cause de la farine. Alors, Pompon et sa femme Pomponnette, elle m'économise au moins 10 kilos de farine par jour. Hein. Ah bon, tu as la chatte aussi? Ah non, elle a disparu depuis 3 jours. Voilà. Attention quand t'as pas fait un civet. Pompon, hein, de sorte, tu parles pas sérieusement. Mais le boulanger, il y a tant de lièvres dans nos champs que nous ne savons plus qu'en faire. On ne te mangera pas ta chatte. D'ailleurs, moi, je sais pourquoi elle est partie. Je l'ai entendu chanter là, sur le toit là, hein. Elle reviendra quand ça lui aura passé. C'est-à-dire, ça ne passe pas quand on veut. Au fait, attends, comment t'appelles-tu? Aimable Castanier. Oh, c'est charmant. Aimable Castanier. Oh, c'est charmant. Alors, le poète a dit: Et mi castanet sunt molis, et précis Copia Lactis. Mais ça n'a aucune importance pour aujourd'hui. Madame, ce pain touché par vos belles mains sera reçu chez moi comme un présent. Poussez-vous, je vous prie. Ah, bonsoir, monsieur le curé. Eh bien, bonjour, monsieur le marquis. Eh bien, monsieur le curé, nous avons un boulanger et de plus, il s'appelle Aimable. Saint Aimable, ou Saint Amable, fut un grand saint qui vécut aux environs de l'an 742. Il fut remarquable par l'austérité de ses mœurs et s'il avait été curé de notre village, il n'eût point toléré que l'un de ses paroissiens vécût en compagnie de plusieurs femmes comme un véritable mormon. Monsieur le curé, ce sont mes nièces. Et vous oubliez que je suis votre confesseur. Oui, enfin, si vous n'oubliez pas aussi, là, toute conversation mondaine est impossible. Oh, moi je dis à tout le monde que ce sont mes nièces. Mais personne ne le croit et l'exemple que vous donnez est très dangereux. Oh, non, monsieur le curé, non, car la débauche n'est pas un péché gratuit. Les exemples dangereux sont les exemples à la portée de toutes les bourses. Mais les péchés qui exigent des rentes ne peuvent se répandre que chez rentiers. Or, ici, nous n'avons que des paysans et, contre les dangers de mon exemple, la pauvreté leur sert lieu de vertu. Oh, affreux blasphème. Allez. Aimable. Il y a encore du pain dans le four. Tu crois? Oui, il recule pour monsieur le curé. Oh là, coquet de là, coquet de ça. Tiens, berger, approche de ton sac. Parce que je te vois pas. Tu as pas froid, au moins? Non. Eh bien, dis donc, c'est une belle journée. Hein. C'est vrai que c'est que la première, mais enfin, quand même, 2600 francs dans un petit village, il n'y a pas à dire, ça s'annonce bien. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que la chambre, là, sur le premier étage, hein, elle va te fatiguer de monter, de descendre tout le temps. Alors, j'ai demandé à la bonne du curé, hein. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire le ménage. Tu as assez de travail au magasin. Le soir, tu avais les yeux tout marqués de bleu, tellement tu étais fatigué. Ça, il ne faut pas, tu comprends? C'est pas raisonnable. Alors, elle viendra demain. C'est une bonne idée. Eh oui, puisqu'on gagne les sous, il faut s'acheter du temps pour se reposer, hein? Tu trouves pas? Mm-hmm. Eh bien, Le pain à 7 francs, c'est une belle affaire pour celui qui veut travailler. Seulement, les paysans trouvent que c'est trop cher, alors ils veulent vendre leur blé très cher et acheter le pain bon marché. C'est pas bête, hein, c'est pas bête. Hein. Ils sont pas bêtes. Si on vend le grain à 4 francs, ça met la farine à 6 francs, pas vrai? Hein? Oui. Oui. Et il y a le son, il y a la repasse. Et on ne fait pas du pain avec du son. Et encore moins avec la repasse. Alors, s'il faut que je vende le pain à moins de 7 francs, comment veux-tu que je m'y retrouve? Hein? Quoi? Rien! Hein? Rien, eh oui, rien, et rien. On peut rien dire, hein? Hein? Parce qu'avec 4 sous de bénéfice par kilo, moi, il faut que je paye le loyer, il est pas cher, mais il faut le payer, il faut que je paye les impôts, il faut que je chauffe le four, il faut que je me nourrisse, il faut que je nourrisse ma femme. Et alors, si nous avions des enfants, alors là... Si nous avions des enfants... Tiens, je vais me coucher. Peu cher, vous comprenez, tellement fatiguée. Hein. Si belle, si jeune. Hein. Et ça ne pense qu'à son travail, vous savez, ça. Ah, c'est beau, non, c'est beau, c'est beau. Oh, mais c'est bella, più bella, stasera. Che radio parla, Splende un sorriso di stelle. Oh, c'est une sérénade. Oh, Aurélie, c'est une sérénade. Che sia verso il destino. Oh. Regarde-moi comme ils sont gentils. Je leur ai fait du bon père, ils viennent me remercier à leur façon. Oggi ti sono vicino perché sospira. C'est dommage qui chante en piémontais, c'est dommage. C'est peut-être du corse, ça, non? Espagnol, la madame, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est joli, hein. Toute la mia vita, sei tu. Oh, que c'est joli. Io che tu hai belli e brillando. Oh, je crois que c'est le berger des 30 kilos de pain. Oh, bravo, berger, bravo. Attends, ne t'en pas. Sur la tête en usage, ils me font la sérénade, mais il faut leur donner un petit cadeau, hein. Une tourte ou une fougasse. Une bouteille de vin cuit, hein? Je crois qu'il me reste une fougasse à la graine d'anis. Eh bien, je descends à leur donner, hein? Je vais. Hein? Oui, tu as raison, ça vaut mieux. C'est plus gracieux. Et puis après tout, c'est peut-être un peu pour toi qu'ils sont venus. Parce que tu les as bien servis. Merci, hein? Mais vous êtes bien aimable, hein? Ça me fait un grand plaisir que vous soyez venus, hein? Tu entres dans la boulangerie, hein? Ma femme, elle va te donner quelque chose, hein? C'est pas grand chose, c'est un petit cadeau d'amitié. La boulangerie. Attends. Alors, vous l'avez trouvé bon, mon pain? Oh oui, qu'il est bon. Fais-nous un corps de ça tous les jours. Eh bien, j'essaierai, je crois, de réussir. Mais en attendant, vous allez goûter ce que ma femme est en train de donner à votre chanteur, hein? Mandez des nouvelles. Il y en aura pour tous? Ah oui, il y en aura au moins pour deux, en tout cas. Depuis le temps qu'il est entré, il doit se la manger tout seul. Ah non, eh bien, Aurélie, si tu n'allumes pas l'électricité, tu la trouveras pas, la fougasse. Hein? Allez, boulanger, je crois qu'on n'a pas besoin de toi ici. Va te coucher, que tu vas attraper froid. Ah non, si je me couche, ça sera que pour une heure, parce qu'il faut que je me lève pour pétrir. Hein? Parce que le bon pain, c'est le jour qu'on le mange, mais c'est la nuit qu'il faut le faire. Oh, boulanger! Hein? Qui que t'es, toi? Tonin! Dis donc, boulanger! Demain matin, je vais à la chasse. Et alors? Je t'ai apporté 2 douzaines d'anchois pour que tu me fasses une fougasse. Mais ils sont dessalés? Oui, ça te plaît. Ah, mais je suis content de la balance. Hein? Entre la chasse. À quelle heure tu les veux? 4 heures à peu près. Rentre. C'est pas éclairé. Oh! Et oui! Tu ne trouves pas le bouton? Tu veux que je descende? Ça y est, elle a trouvé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des anchois pour faire une fougasse. Oui, c'est d'accord, Olivier. C'est là que tu le mets sur la balance. C'est d'accord. Merci, madame Aurélie. C'est d'accord. Oui. Alors, content, vous, hein? Ah oui, merci, boulanger. Content. Merci, madame la boulangère. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Ça m'a fait bien plaisir. Bien plaisir. Alors, au revoir. Au revoir, berger. Aurélie, montre que tu vas attraper froid maintenant. Au revoir, madame Aurélie. Dominique, ne fais pas l'imbécile. Allez, viens. Elle est là. Elle se déshabille là-haut. Là, derrière ce volet. Oh, mon Dieu. J'aurais jamais cru que ça allait si vite. Tu me racontes pas une histoire, hein? Ah non, ça non. À peine je suis entré dans la nuit, j'ai entendu comme un bruit d'étoffe. Et puis, une respiration profonde. Et puis, 2 bras autour de mon cou. Et puis, elle m'a mordu la bouche. Comme ça, par exemple. Touche mon cœur. Touche, on tirait des coups de marteau. T'es pas un peu fada de te mettre dans des états pareils pour une femme comme ça? Mais des femmes comme ça, j'en ai jamais vu, même en rêve. Et tu rigoles? Ce matin, elle fait ta connaissance et ce soir, elle te mange les babines. Quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. Pourquoi? Si c'est vrai ce que tu me dis. Tout le village va y passer. Ne répète jamais une chose pareille, t'entends? Et ne dis pas de mal d'elle, hein, parce que je t'ai trompé pour la vie, t'as compris? Oh, Dominique, qu'est-ce que te prend? Je l'ai vue ce matin sur sa figure. Elle m'aime d'amour. Et tu sais pas ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, si tu es un homme, trouve-toi 5 heures derrière l'église avec un cheval. Tu m'emporteras où tu voudras. Elle quitte son mari, sa boulangerie, ses sous, son pain. Elle veut tout perdre pour moi. À 5 heures, derrière l'église. Tu vas y aller? Je sais pas. Je crois que oui. Et le mari? Le mari, entre la première fourne et la deuxième, il dort toujours 2 heures pas loin du four. Il la verra jamais passer. Et où tu l'amèneras? Je sais pas. Je sais pas. Ça y est, il est fou. Au moins, donne-moi la fougasse comme la goutte. Mais tiens, mange, imbécile. Esprit, tu vas monter jusqu'à la ferme. Et de juste avant la pointe du jour, tu me ramèneras à Scipion. Cheval de monsieur le marquis? Même lui, il n'est pas encore assez beau pour elle. Tu ferais bien de réfléchir encore un peu. Réfléchir? Mais je peux plus! Je peux plus! Il faut que je parte avec elle! Je peux pas attendre 2 minutes de plus! Il faut que je la voie! Il faut que je la touche! Il faut que je sente son odeur! Elle m'a mis le feu dans le sang! De penser à elle, ça me fait trembler! Tu crois qu'elle voudra venir? Elle est aussi folle que moi! Et à moi, il me semble que tu n'as plus ta raison! Tu te rappelles, l'année dernière, quand tu avais pris froid et qu'un peu plus tu mourais? D'abord, tu avais eu le frisson 2 ou 3 fois et tu m'avais dit: je me sens drôle, je ne vois plus où je pose mon pied quand je marche. Mais moi, je suis comme ça depuis ce matin, depuis qu'elle m'a regardé. Vers le soir, la fièvre t'a pris. Tu voulais sortir de ton lit, mais j'ai ton droit pour te tenir. Tu criais, tu pleurais, tu voulais sortir par la fenêtre. Et puis il est venu le maître berger, tu te souviens, celui de Ganagog. Il t'a fait rebelle avec des herbes et la mort est sortie de la chambre. Et moi, je suis comme toi ce soir-là. Sauf que c'est pas une herbe qui peut me guérir. Esprit, je sens que j'ai perdu toute ma force. Je fais des gestes sans le vouloir et le sang me brûle les oreilles. Tu vois, j'ai soif depuis 2 heures et pourtant je veux pas boire parce qu'elle m'a mordu la bouche. La fougasse, tout à l'heure, j'en ai pas voulu. Parce qu'après ce qu'elle m'a fait, il me semble que ce serait sale de manger dessus. Esprit, il faut que je parte. Et ne me parle pas de l'oublier. Hein. Je peux pas. Je peux pas. Mais le marquis, dit, qu'est-ce qu'il va dire? Tu lui expliqueras que c'est pour une femme. Il comprendra. Pour toi, de tout sûr, il comprendra, oui. Mais le cheval? Pour le cheval, il va gueuler. Mais le cheval, je le ramènerai. Je le confierai à quelques paysans qui le ramèneront jusqu'au village. Il ira le vendre à l'abattoir. Mais je sais de qui je parle. De l'argent. Tu en veux un peu? Merci. J'ai des économies à la ceinture. Je t'amène le cheval derrière l'église. Esprit, tu me donnes le paradis. Allez, à 5 heures, derrière l'église. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli il brillando, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi chi sei tu. Tu as l'habitude à prendre parce qu'il y a des boulangers, ils dorment toute la journée. Moi non, moi je prépare tout vers 7 heures et puis je vais me coucher. Alors à 1 heure je me réveille, je descends pour pétrir, j'enfourne et puis tu vois l'heure qui est. 4 heures juste. Voilà, c'est rare si j'ai pas fini à 4 heures juste. Alors après, quand la fournée se cuit, là, je dors encore là, 1h30, près du four. Et puis, vers 6h30, en descendant, ma femme me réveille. Je sors la première fournée, je prépare la deuxième pour 10 heures. Voilà, et alors, de quel côté tu vas chasser, toi? Dans les prés, le long de la Duresse. Ah, oui. Je sais, de lièvres, ça m'étonnerait bien si j'en ramenais pas un. Et... ah, tiens, regarde là ta fougasse, je crois qu'elle te va comme ça, peut-être. Hein. Elle commence à peine à dorer, alors, hein, tu la vois? Oui, c'est alors, ça, c'est tout à fait ça. Alors je la sors, hein? Oui. Je la sors, attention, hein? Là, tu sais pas qu'elle te brûlerait, hein? Voilà, tu sais. Ça va, tu la mets dans le carnier, hein? On va te chauffer les fesses, ça, tu sais. Avec le petit vent du matin, ça ira tout à fait bien. Oui. Dis donc, boulanger, combien je te dois? Ah non, comme c'est la première, hein, tu me dois un petit merci, mais voilà. Hein? Ça, c'est gentil. Voilà. Alors, à midi, je t'offrirai l'apéritif. Non, non, non, non, non, l'apéritif, je ne bois pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Je ne bois même pas du vin. Alors, je t'apporterai deux grives. Deux grives, voilà. Tu m'offres de ta boulange, je t'offre de ma chasse. Bien, c'est bon. Adieu, boulanger. Je file vite parce que le jour m'a pointé. Allez, zou, souffrance, on y va. Pourquoi tu l'appelles souffrance? Eh, parce que je le trouvais quand il était petit. Ah. Il était tout plein de gale avec une patte cassée, il souffrait beaucoup. Alors j'y ai mis souffrance. Ah oui. Et alors pourquoi il est tout gonflé comme ça? Il est plein de bouffilles, hein? Ça, c'est un chien qui aime trop le miel. Ah bon? Et c'est le miel qui le fait gonfler? Non, les abeilles. Hein. Ah oui. Allez, allez. J'y vais. Et boulanger, boulanger, dis-moi. Ça me portera bonheur. Voilà. Allez, adieu, boulanger. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. C'est pas que je me suis endormi, je me suis pas réveillé. C'est pas du travail. Ça sable. Deux heures, le pain sera deux heures après. Hein. C'est pas grand chose. Oh là là, parce que c'est ma femme qui me réveille d'habitude, tu comprends? Mais fatigue de l'installation, elle doit dormir comme un petit enfant. Oh là là. Oh, j'ai mon pantalon qui est déchiré. Bon, alors, je vais lui annoncer la catastrophe tout doucement, hein. Oui. Pour pas lui perdre peine, je vais lui monter un peu de café. Ça la mettra de bonne humeur. Ouais. Mais voilà. Cocotte, c'est ton nouveau lapin. Il est un peu couillant, ça vous l'a dit, hein. Y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui faites le pain aujourd'hui. Eh oui, et comme c'était la première fois, nous n'avons pas bien réussi, tu vois. Mon Dieu, quel malheur. Mais aussi, mais quelle idée il a eu, ce boulanger, de confier le pain à des imbéciles comme vous autres. Bonjour aimable, ma belle Millette, mais tu sauras que l'imbécile, c'est pas nous, hein. C'est lui qui a brûlé sa fournée. Qu'est-ce que c'est, ce boulanger? Ah, ça, ce que c'est, on le saura un jour ou l'autre, ça. Le voilà. Ma femme m'a fait une blague. De si bonne heure? Eh oui. Elle s'est cachée. Elle doit pas faire. Eh bien, pour jouer, pour s'amuser, sans doute. Quand même, votre maison n'est pas assez grande pour jouer aux cachettes à 7 heures du matin. Et non, mais je l'ai laissée là, à 2 heures. Elle dormait comme un petit enfant. Et maintenant, à sa place, il y a comme un rouleau de couverture. Mon Dieu, quel malheur! Qui c'est qui l'a mis, son rouleau de couverture? Et qui veux-tu que ce soit? C'est elle. Elle est rigolo, oui. Et ses clés? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est son trousseau. Elle a laissé son trousseau. Je sais où elle est. Elle doit être au jardin. Elle est au jardin. Elle est passée pendant que je dormais. Elle m'a laissé les clés. Donc, si j'ai besoin d'ouvrir une armoire ou un tiroir, hein. Je me garde dans la boutique un petit moment. Oui, oui. Je reviens dans 2 minutes. Hein. C'est pas loin. C'est à l'entrée du village. J'en viens avec elle, dans 2 minutes. Hein. Non. Mais moi, j'y suis allée au jardin, il n'y avait personne. Hein. Dans le jardin d'à côté, il y avait Pétuve qui mettait du raffia aux tomates. Hé, voilà, demandez-y. Allez. Ah, bonjour, Pétuve. Ah. Vous venez du jardin? Oui, oui. Et alors, vous avez vu sa femme au jardin? Ah, ben, voilà, j'ai vu une femme. Ah, elle y est encore? Mais voilà, bon, c'est Limassol. C'est une grande vieille avec un peu de barbe. Là. Ah non, alors là, c'est pas sa femme, c'est pas elle. Comment il y a une femme, lui? Je ne sais même pas qui était marié. Oh, vous l'avez dit. Alors, comment ça, tu as une femme et tu ne sais pas où elle est? T'inquiète pas. Aussi, quand on est boulanger, quelle idée de se marier. Bon, ben oui, aujourd'hui, il n'y en a pas. Oh, bien. Et alors, pas de femme, pas de pain, et qu'est-ce qui te reste, boulanger? Eh bien, la clientèle. Mais, voilà monsieur le curé. Oh, qu'est-ce qu'il va me dire, celui-là? Bonjour, mes amis. Bonjour, monsieur le curé, bonjour. Alors, c'est vous qui faites les commissions aujourd'hui, monsieur le curé? Ce n'est pas une commission ordinaire, ma bonne miette. Je viens commander le pain béni pour dimanche. Ah, c'est très bien, monsieur le curé. Je voudrais vous poser une question. Vous venez de l'église? J'en viens et j'y vais. Alors, voilà, je suis un peu inquiet parce que depuis ce matin, ma femme a disparu. Alors, j'ai été voir au jardin, elle n'y est pas. Ah. Alors, je me suis pensé que peut-être, par hasard, elle serait venue à l'église. Vous avez raison de dire par hasard, car je ne l'ai pas encore vue ici. Ah, nous sommes arrivés que depuis 5 jours et il n'y a pas eu de dimanche, mais elle ira probablement aujourd'hui, vous voyez. Une femme qui va probablement à la messe le dimanche n'est probablement pas une femme qui vient à l'église à 7 heures du matin. Non, je vous dis ça parce que quand nous étions à Manos, elle y allait tous les jours, hein, à 6h30 du matin, pendant que je faisais ma fournée. Hein. Et vous savez, ce n'était pas pour se faire remarquer. Hein. Au contraire, elle se cachait dans un petit coin, derrière un pilier, et personne ne peut se vanter de l'avoir jamais vue, vous comprenez? Alors, je pensais que peut-être aujourd'hui... Si elle y est aujourd'hui, elle se cache aussi bien qu'à Manos, hein? Alors, si elle n'y est pas, je me demande où elle peut être. Et Dieu? Vous ne vous demandez pas où il est, Dieu? Non, je ne me demande pas, parce que je sais où il est. Il est au-dessus de l'autel, au milieu des vierges. Il est partout, mon ami, et je souhaite qu'en ce moment même, il soit auprès de votre femme. Eh bien, je le souhaite aussi, parce que je préfère que ce soit lui que l'autre. Bon, vous viendrez certainement à la grande messe. Ah non, je ne pourrai pas à cause de la fournée, parce que la pâte est prête, mais il faut que j'attende qu'elle lève. Soit, mais je vais dire à la messe de 7 heures. Profitez-en, suivez-moi. Maintenant? Maintenant, c'est un grand secours que je vous offre. Allez, boulanger, suivez-moi. Maintenant? Oui, maintenant, allez, boulanger. Dieu est patient, mais il ne faut pas le faire attendre. Allez. Mais il faut bien reconnaître qu'avec ce rouge et cette poudre, cette personne m'a fait l'effet d'une créature et qu'on peut s'attendre à tout. Et vous croyez que c'est possible de trouver un galant en 4 jours? Oh, certes, oui. Ah, il y a longtemps que vous en cherchez, hein? Oh, pour Arsène, vous n'êtes qu'un rustre. Et vous ne sauriez imaginer le nombre de regards d'hommes qui m'ont forcé à baiser les yeux. Alors ça, j'en suis témoin. Hein? À la foire de Manon, il y avait un grand maigre. Mais maigre. Et regardez mademoiselle Angèle d'une façon que si on l'avait laissé faire, il aurait mangé toute vivante. Alors ça l'a mangé peut-être. C'était sans doute un cannibale. La femme du boulanger erre. On peut dire qu'elle est belle. Oui, oui. Mon pauvre Maillefer, la beauté ce n'est rien. Ça n'intéresse pas les hommes. Ce qu'il faut avoir, c'est du vice. Ah, si l'on veut avoir du vice. Oh, si tu veux te mettre de la peinture, de la poudre, te raser tous les matins et remuer le derrière quand tu marches, ils vont tous courir après toi. Ben, j'espère qu'un jour, nous verrons mademoiselle Angèle se livrer à ce genre d'exercice. Ah non, ah ça non, vous ne me verrez pas, car ce n'est pas une chose que je recherche. Et Dieu me préserve de l'obtenir, même sans le vouloir. Rien, absolument rien, vous ne l'avez pas trouvé. Non. Elle est peut-être rentrée par derrière, là, hein? Aurélie! Oh là là, Aurélie! Personne n'est allé voir dans la chambre, hein? Aurélie! Non. Oh là là là là, qu'est-ce que. Aurélie! Ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Il faudrait savoir si dans le village, il ne manque pas un homme. Et pourquoi? Ben, c'est le parti. Elle n'est sans doute pas partie toute seule. Oh, Dieu du ciel, mon âme, mon tonnerre. Il m'a dit qu'il allait à la chasse ce matin avant de partir. Il m'a fait une grosse caresse. J'ai Jésus-Marie-Joseph, un homme marié. Les jambes me manquent. Ouh, le menteur. Allez, non, bah, ne t'inquiète pas pour ton mari. C'est pas ce genre-là qu'il lui faut, tu sais. Oh non, elle a dû trouver un bel homme, non. Ou peut-être alors ce coquin de marquis, et il doit être en train de la mignoter dans le coin d'une grange. Ah ça, monsieur le marquis, c'est son habitude. Soyez tranquille, elle va revenir, mais ça m'étonnerait pas si elle avait de la paille dans le dos. Elle est introuvable. Attendons. Mais notre père. Attendons. Le curé de cet homme, elle en a profité pour me filer une messe en première. J'ai rien compris. Après, il m'a dit d'avoir confiance dans la bonté de Dieu. Et de venir me confesser. Tout ça, c'est très gentil de sa part, mais ça ne me dit pas, oui. Vous ne vous étiez pas disputé hier au soir? Oh non, non, il y a 5 ans qu'on est mariés, il n'y a jamais eu de dispute. Et puis, c'est une femme très calme, elle ne parle pas beaucoup, non. Et en réfléchissant bien, tu n'as pas le moindre soupçon, aucune idée de la direction qu'elle aurait pu prendre? Il n'y a qu'une chose qui soit encore possible. Elle s'est languie de sa mère, elle est allée la voir. C'est à 15 kilomètres. Et pourquoi elle ne te l'aurait pas dit, là? Elle ne sait pas, peut-être elle a eu peur que je refuse. Et puis, va savoir, une femme, tu sais, ça a des idées brusques, ça a des ennuis, hein. C'est un peu comme une chèvre, hein. Non, comment on fait, c'est raisonnable, ça, hein? Ce changement de cette installation, ça l'a énervé, ça lui a donné un coup de cafard, et elle a eu envie de voir sa mère, parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Hein. Oh, si vous saviez, comme elle aime sa mère. Oui, elle doit aller la voir souvent. Oh, tant qu'elle peut. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pétris. Évidemment. Okay. Il est rigolo, lui. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Oh, oui, qu'est-ce que c'est? Il y a bien du monde. Mon tonnette, voilà. Combien que t'es fadade? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, ne dis rien, on t'expliquera. Regardez-moi ça si c'est bon. Oh, il est bon, hein? Mais il sera dur, il a 3 ans. Eh, le jaloux. Et toi, quand toi, tu es ton chef bassé en croyant de tirer un lièvre, quel âge il avait? Putain, j'ai des grives. Vous l'avez, il y en a une grosse et une petite. La saïre, c'est plus gros, et le tourdre, c'est meilleur. Ouais, t'es bien citoyen, t'es bien brave. C'est bon, maintenant, avec deux grives, il en a une de reste. Sa femme a disparu. Oh non, elle n'a pas disparu. Oh non, elle n'est plus ici, voilà tout. Parce qu'elle est probablement chez sa mère. Remarque, j'en suis pas sûr, mais en fait, alors où elle serait, hein? Où elle serait? Tu le sais, toi? Des fois, tu l'aurais pas rencontrée? Ah, moi, non, je crois pas. Tu as vu personne? Oh bien sûr, si, j'ai vu du monde. Tiens, j'ai vu le facteur qui montait. Il était à bicyclette. Et puis j'ai vu un homme qui labourait son champ là sur le plateau de la Badoc. Et puis j'ai vu un cheval. Enfin, il m'a semblé voir un cheval qui passait. Mais je ne te parle pas d'un cheval, je te demande où est ma femme. Oui, cheval, mais bon, oh, attention. Hein? Et il était seul, ce cheval? Mais non, naturellement, il avait du monde sur l'esquine. Une femme? Il m'a semblé une femme. Non, mais c'est pas elle. Elle ne sait pas monter à cheval. C'est pas elle. Les chevaux, ça lui fait peur. Elle ne sait pas monter sur un cheval. C'est pas monté. Cette dame, sur ce cheval, elle était peut-être pas seule. Non, non, elle n'était pas seule, non. Ah, il y avait plusieurs personnes sur l'animal. Avec elle, il y avait un homme. Ah, un homme? Ah, mais il doit être fort, le cheval, hein, parce que ça. C'est comme un tandem qui est plus fort qu'une bicyclette, hein, ça. La femme était-elle devant l'homme, comme dans les enlèvements mexicains? Mademoiselle Angèle, moi, les Mexicains, je ne les connais pas, je n'en ai jamais vu. Elle était à cheval derrière lui et elle se tenait à son cou. Ah, c'est pas elle. Elle n'est pas si familière que ça, c'est pas elle. Non, plus j'y pense, plus j'en suis sûr. Elle est allée chez sa mère. Elle est allée voir sa mère. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'instituteur? Oh, ce qu'il en pense, il ne le dira pas. Mais mademoiselle Angèle parle sans savoir, moi je réfléchis. Je réfléchis. Et je pense qu'en bonne logique... Ah oui, en bonne logique. En bonne logique, s'il est allé chez sa mère, et sans vous le dire, de peur d'un feu, Moi, il me semble qu'elle vous aurait laissé un petit mot sur un papier. Naturellement, elle m'a laissé un papier. Et moi, comme un grand imbécile, j'ai pas pensé à regarder. Elle m'a laissé un papier. Oh, merci, je vais le trouver. Elle laisse un papier sur la commode. Pourvu que la commode soit encore là. Mais pourquoi le laissez-vous montrer? Alors que ce papier, vous savez bien qu'il ne le trouvera pas. En voilà un qui l'a vu et qui n'ose pas le dire. En voilà d'autres qui savent fort bien de quoi il s'agit, mais ils ne parleront pas. Ils laisseront ce malheureux patauger dans un espoir purulent. C'est donc ça, les hommes? Eh bien, puisque vous ne voulez pas parler, moi, je vais parler. Non, mademoiselle Angèle, vous ne parlerez pas, parce que vous ne savez rien. À part les inventions de votre haine contre une femme ravissante. Ravissante? Pour son ravisseur, sans doute. Oui, ravissante. Ah, parfaitement ravissante. Et de plus, si vous dites un seul mot, j'irai me confesser à votre place. Ah, oh, ceci ne signifie rien. J'irai m'agenouiller dans le confessionnal, dans la nuit. Et je parlerai à voix basse, je dirai, mon père, je suis Angèle et je m'accuse. Je m'accuse de quoi? Ah, ce que vous avez fait, je ne le dirai pas, je ne sais pas. Non, mais je lui dirai ce que vous pensez. Je lui raconterai vos rêves, tous vos rêves. Vous ne les connaissez pas. Ça, ça ne veut rien dire. Quand même, les femmes, c'est incroyable. Et c'était elle que tu as vue? Écoute, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai vu un cheval. Dessus, il y avait un homme et une femme. L'homme ressemblait au berger du marquis et la femme ressemblait à la femme du boulanger. Oui, alors comme ça, elle est partie avec lui. Attention, monsieur l'instituteur, j'ai dit ressembler, je dis pas que c'était eux. Mais en fait, ça leur ressemblait beaucoup. Puis, de la façon qu'ils se tenaient, ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui cherchent un endroit tranquille pour s'embrasser. Et si vous voulez mon avis, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront plus du tout. Et notre pauvre boulanger ressemble énormément à un coucou. Fallait s'y attendre. Et on a beau s'y attendre. Quand ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. C'est pas ma femme qui s'envolerait avec un berger. Elle n'est pas si bête. Non, c'est les bergers qui sont pas si bêtes. Oh. Et puis la tienne avec les tétasses qu'elle a, c'est pas un berger qu'il faudrait. C'est un bouvier. Et que veux-tu de bouvier ici? Il n'y en a pas. Bonjour, messieurs. Où est le boulanger? C'est toi, Aurélie? Non, boulanger, c'est le marquis. Veux-tu laisser un instant, je te prie? Tout de suite, monsieur le marquis, tout de suite. Ne restez pas ici, ce serait gênant pour vous. Je ne laissez entrer personne, hein. Ah, vous venez pour le pain? Vous avez vu la catastrophe, hein? Oui, mon pauvre Emma. Ouais. Un malheur, ne viens jamais seul. Tu es au courant, mon pauvre aimable? Au courant de quoi? Ben, pour ta femme. Ah, ma femme, c'est de ça que vous voulez parler? Mm-hmm. Oui, je suis au courant. Eh bien, elle est allée chez sa mère, et alors, elle a laissé un petit papier, alors que le courant d'air a lui emporté, on le cherche, justement. Voilà. Vous avez des nouvelles, vous? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles, et elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Oh, c'est pas raisonnable, vous. Oh, qu'est-ce qu'il a pu vous raconter ça? Ta femme et mon berger sont partis ce matin à 5 heures, et pour s'enfuir, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval. Alors, il aurait emporté un cheval? Ah ben, dis donc, il en aurait du culot de la faire monter un cheval, non? Essayer de tomber, et qu'elle se casse une jambe. Alors, oui, vous savez. Et ça, on n'en sait rien. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient bien pu aller faire ensemble? Ah, bon. L'amour, tout bêtement. Ils se sont mis hier pour la première fois. C'est pas qu'Aurélie, il a fallu que je fasse la cour pendant 3 ans avant qu'elle dise oui. Et encore, c'était pour l'épouser. Ça a été peut-être pas la même chose. Si vous connaissiez Aurélie, vous penseriez à tout, sauf à ça, vous savez. Nous sommes entre hommes, je peux vous faire une confidence, c'est une femme. Hein. que ces choses de l'amour, ça n'intéresse pas du tout. Hein. Alors, parlez-lui de vendre du pain, de faire sa caisse, de broder des combinaisons, mais ne lui parlez pas d'amour, parce qu'elle vous écouterait même pas, vous voyez. Oui, ce n'est pourtant pas toi qui lis ces livres-là. Ah non, ça c'est elle, ça. Ah oui, ça c'était... C'est un roman d'amour, ça. Elle lit les romans d'amour. Elle les trouve comiques. Ah alors. Oui. Ouais. Qui t'a dit ça? Et c'est elle. Vous voyez, un soir, je préparais mon level. Hein. Elle était assise auprès du four sur un sac de farine et elle lisait un livre. Mmh. Et ça avait l'air de l'intéresser. Tout d'un coup, elle lève la tête, elle me regarde. Et alors là, elle se met à rire, mais à rire, alors. D'une force qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Alors elle dit, qu'est-ce que tu lis? Elle m'a fait un roman d'amour. Et c'était vrai, c'était écrit sur la couverture. Elle a tellement ri, monsieur le marquis, que du rire, elle a pris une crise de nerfs. Et après, elle en a pleuré toute la nuit. Eh oui, ça lui avait paru tellement rigolo. Ouais. Ah, les femmes sont compliquées. Oh oui, oh, c'est pire qu'une montre, une femme. Oui. Mais moi, je la connais, je dois dire qu'avant de l'épouser, j'ai bien réfléchi pour la connaître. Hein. Mm-hmm. Hein? Parce que vous savez... Quand on a plus de 50 ans et qu'on se marie avec une femme de 20 ans, oulala, faut prendre ses précautions, hein. Mais j'avais remarqué qu'elle écoutait pas volontiers les jeux de gens. Il lui plaisait pas. Il lui plaisait pas. Et d'ailleurs, si elle avait aimé les bons garçons, est-ce que ce serait marié avec moi? Oh, l'un n'empêche pas, là. Non, hein? je suis pas joli, je le sais. Et si on faisait le compte du tour, bon, vous savez, j'en vaux bien d'autres. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est pas l'aventure. C'est plutôt à l'intérieur du magasin. C'est comme ça. Ça, boulanger, je commence à le croire. Ouais. Alors, pour en revenir aux jeunes gens, figurez-vous que deux jours avant notre mariage, elle me dit, aimable, je dois te prévenir qu'avant de te connaître, j'ai eu un amant. Ah. Ça m'a choqué, vous pensez. Et elle me fait... C'était un jeune homme des environs, très grand, très beau, avec une bonne situation. C'était un danseur extraordinaire. Et alors je lui dis où il est. Et elle me fait, il est mort. Et elle m'a dit ça, vous savez, qu'un calme, un sang-froid, quelque chose de glacé. De glacé. Alors vous savez, je l'ai épousé quand même parce que je me suis dit, aimable, tu risques rien, il est mort. Et par conséquent, tu es beaucoup plus beau que lui. Voilà. Parfaitement raisonné. Et même, j'étais presque content de cette histoire parce que sa façon de me parler du pauvre mort me faisait penser qu'elle n'avait pas de tempérament. Mm-hmm. Et bien, l'expérience m'a prouvé que j'avais raison. Parce que quand je l'embrasse, vous voyez, quand je l'embrasse, elle se laisse faire, hein, mm-hmm. sans dégoût, mais sans plaisir. Hein. Quand une porte ressentirait plus d'émotion. Mais alors, je vous en parle sans maman, puisque nous sommes mariés depuis 5 ans. Tout ça pour vous dire, monsieur le marquis, que malgré qu'elle soit belle, élégante, qu'on ait tant de plaisir à la regarder, et qu'il semble qu'elle soit faite pour l'amour, eh bien l'amour n'est pas fait pour elle. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. Oui, monsieur, c'est une magnifique fleur. Et il n'y a pas de parfum. Ouais, c'est peut-être toi qui es enrhumé. Oh non, oh non, oh non. Jamais d'angine, jamais enrhumé. Non. Vous savez, votre berger, là, j'y crois pas. J'y crois pas, ce berger, là. Je crois pas. Bon. Esprit! Bon, esprit, là. Viens ici. C'est mon second berger, il va te raconter la chose. Et d'où il a fait? Où est-ce? Où est Dominique? Il est parti. Avec qui? Scipion. Et qui encore? La boulangère. Qui a dit ça? C'est Dominique. Il avait rendez-vous derrière à l'église. Il t'a dit qu'il reviendrait quand? Il a pris ses économies. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et puis si vous ne voulez pas le croire, il y a Tonin qui les a vus passer au petit jour. Ah, monsieur le marquis, c'est... La maison me s'est tombée sur la tête, elle m'aurait peut-être tué complètement. Ah, ça m'aurait pas fait tant de mal. Je te comprends, mon pauvre vieux. Tu ne te doutais de rien? Comment avouez-vous que je me doute d'une chose, quand même, quand on me l'a dit, j'arrive pas à y croire. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, que je suis bête. Voilà. Que ce berger soit parti, que ce voyou voler un cheval, je le crois puisque vous le dites. que ma femme soit allée le même jour chez sa mère, c'est une coïncidence. Évidemment, si elle ne se dépêche pas de revenir, ça va faire jaser. Mais nous, nous qui la connaissons, monsieur le marquis, on ne peut pas faire des suppositions pareilles, quand même. Oh là, un peu de bon sens. Eh bien, mon vieux, crois-en ce que tu veux, mais moi, du bon sens, j'en ai. Mon berger est parti, je peux m'en passer. Oui. Il a amené ta femme, ce n'est pas mon affaire. Seulement moi, je veux revoir Scipion. Dominique a promis de le renvoyer. Eh oui, mais quand avec sa belle, ils vont se retrouver à tour à court d'argent. Ils sont capables de bazarder au premier maquignon venu. Oh, il vaut 12 000 francs, Scipion. 12 000, pas un sou de moins. Une belle bête, hein. Ah, très belle. Je vais déposer une plainte à la gendarmerie. Mon berger ira en prison, tant pis pour lui. Eh bien, ça s'ajuste, dis donc. Voler un cheval. Et un cheval de 12 000, et ben dis donc. Ouais, seulement ta femme ira aussi comme complice et peut-être comme instigatrice. Ça, c'est un drôle de mot, alors, monsieur le marquis. Mais elle n'y est pour rien, ma femme, voyons. Esprit vient de te dire. Je m'en fous de ce que dit Esprit. C'est pas l'Esprit Saint, quand même. Voyez pas qu'il est abruti. Or, qu'est-ce qu'il peut savoir de ma femme? Va-t'en, berger de malheur, raconteur de boniment, escagasseur de réputation. Ta force de regarder des moutons, que tu vois des cornes partout. En fait, moi, j'ai voulu te prévenir, je vais déposer ma plainte. Oh, mais ça, monsieur, le marquis, que vous allez un peu vite. Mais pourquoi? Ce berger est parti depuis 5 à 6 heures et tout de suite, vous l'accusez d'être un voleur. À votre place, j'attendrai quand même un peu. Oui. Eh bien, toi, tu prends la chose comme tu l'entends, hein, mais moi, je n'ai pas beaucoup de patience. Après tout, oh, je ne suis pour rien dans tout ça, moi. Hein. Je perds un berger, je perds un cheval de race, je ne suis même pas cocu. Oh, alors moi, je ne prends pas la chose en rigolant. Écoutez, monsieur le marquis, s'ils ne reviennent jamais, ni le cheval, ni le berger, ni Aurélie, moi, je vous les donnerai, les 12 000. Hein. Et où les prendras-tu? Oh, vous savez, quand on a tiré sur la pâte pendant plus de 20 ans, il fallait quelques sous de côté, et puis si j'ai la preuve que c'est la beauté de ma femme qui vous a fait tort d'un beau cheval, moi je vous le paierai, vous savez. Attendez 2 jours, moi, vous savez, j'attends bien, moi. Aimable, tu es un brave homme. Donne-moi la main. Je suis avec toi, Aimable. Je suis avec toi. Tu as un ami, boulanger. Merci, merci. Faites beaucoup d'honneur, monsieur le marquis. Monsieur Valéa ! Hein ? Le cheval est revenu ! Oui, monsieur le marquis ! Tout seul ! Monsieur le marquis, c'est un paysan que je ne connais pas. Il est venu jusqu'au milieu de la place. Il a attaché la bête à un arbre et il est reparti. Mais enfin, c'est un maître, vous pourriez le reconnaître. Oh non, monsieur l'instituteur, d'abord, il était assez loin de moi. Et ensuite, je ne regarde pas les hommes. Et vous avez bien raison, parce que les hommes ne vous regardent pas. Oh mon Dieu, la grossesse! Alors, c'est ça, Scipion? Oui, c'est ça. C'est ça, le cheval qui soi-disant a emporté ma femme? Oh non, non, non. Et pourquoi non? Il n'a pas la tête à ça. Écoute, boulanger, nous comprenons. Je n'écoute rien. Foutez-moi la paix. Mes affaires ne regardent que moi. J'ai brûlé ma fournée, je dois faire du pain pour bon midi. Allez-vous-en. Traînassez au cercle. Il n'est pas bien. Et laissez-moi travailler tranquille. Oui, il me fait l'effet tout drôle. Il dit que ce n'est pas vrai. Il ne veut pas le croire. Pensez-vous. Non, je ne dis pas qu'il ne le croit pas. Je dis qu'il ne veut pas le croire. Allez, va, ne restons pas ici. Filons. Il faut tout de même faire le pain. Même si c'est vrai. Et ils ont droit au pain, il faut faire le pain. Oh, qu'est-ce que je fais? Elle était prête, cette pâte, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que je fais? peut-être plus de cigares, mais on risque d'y trouver des cornes. Il est curieux de constater qu'un mari trompé par sa femme est toujours un sujet de conversation comique. Pourquoi ? Eh, parce que c'est rigolo. Et moi aussi, ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez ? Cet homme-là qui s'amène tout fier de sa femme et la garce qui s'en va le premier jour avec un berger piémontais. Et lui qui veut pas le croire. C'est pas que ce soit ton homme, mais en fait, c'est... Ça donne le goût de rire, hein. C'est joyeux, voilà. En tout cas, tout le monde ne parle que de ça, surtout les femmes. Elles en ont parlé même devant le curé. Et tant pis pour le boulanger, c'est un couilleur. Oh, boulanger, tu es encore allé à la messe? Je suis allé voir si des fois, je ne serais pas venu à la grande messe. Je n'y ai pas, en fait. En fait, je n'y ai pas vu. C'est à la sortie. Et c'est bientôt fini. Quoi? À propos, boulanger, ce matin, tu m'as demandé si j'avais vu ta femme au jardin. Tu l'as vue? Eh non, je la connais pas, je l'ai pas vue. Mais ta soeur, je l'ai vue. Tu as vu ma soeur? Eh ouais, la jolie, celle qui vend le pain. Je l'ai vue, mais en allant au jardin, là. C'était à peu près 4h30 du matin. C'était juste ici, là. Justement, c'est l'endroit qui m'a fait rappeler. Mais, dis-moi, tu es parent avec le berger du marquis? J'en ai peur. Parce que ta soeur était là, avec lui sur un cheval. Oui. Oh, si t'avais vu, alors, il s'embrassait d'une force terrible. Alors moi, je me suis dit, peut-être qu'ils sont parents et qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, ou alors ils ne sont pas parents et ils se fréquentent. Ou alors. Alors, j'ai pas fait de bruit. Hein. Mais tu le savais, toi, qu'elle fréquentait ta soeur? Sur des choses bien naturelles. Eh bien sûr que c'est naturel. Tout ça, ça fait plaisir à la jeunesse. Et ça fait de mal à personne, vaille. Bon, j'ai peut-être trop parlé. Bon, c'est qu'il y en a qui sont jaloux de leur sphère, hein. Une bouteille de Pernod. Vous voulez dire un Pernod? Non, une bouteille. Ah, une demi-bouteille. Non, une bouteille d'un litre. Avec un grand arrosoir d'eau filtrée. Ah, au revoir, c'est pour boire. Tu as entendu le boulanger à la terrasse? Eh ouais, il a une drôle de tête. Il veut un litre de Pernod et un arrosoir d'eau. Un arrosoir d'eau? Et pourquoi faire? Pour arroser le Pernod. Oh, son histoire a dû taper sur le cigare et il veut se saouler. Ça se défend. Il faudrait pas qu'il se tue. Viens, on va lui parler, on va lui doser sa cuite. Alors, c'est vrai, boulanger, tu veux vraiment une bouteille d'un litre? Peut-être deux. Non, l'arrangement est trop petit, hein, trop petit. Oh, si on n'a pas assez, j'irai encore le remplir. Mais... Oh, boulanger, à ce qu'il paraît que tu as soif, dis-le, une bouteille d'un litre, tu ne vas pas de même morte, hein. Non, je n'ai pas tellement soif, je n'ai pas vraiment soif, mais je pense à tout ça, tu comprends, alors Pétu, il nous a raconté qu'il a vu ma femme ce matin, qu'il partait avec le berger, alors, il est fanat, Pétu, mais en fait... Ça fait le troisième témoin, alors. Alors, avoir du bon sens et de la confiance, on finit par s'imaginer des choses de ça. Attends, dedans, ça tourbillonne, là. Alors, je me suis dit, je vais boire un grand coup pour être gay. Ça vaut mieux que d'aller se noyer. Tu as raison, vaille, boulanger. Prends ta cuite, ça te soulagera. Il a raison, mais oh, une cuite quand on en a vraiment besoin. Faut pas la prendre au hasard comme un mulet qui boit un seau d'eau. Non, une cuite de consolation, ça se prépare. Ça se donne. Bien sûr, puisque c'est un remède. Ah, alors, boulanger, fais-moi confiance et laisse-moi faire. D'abord, jusqu'où tu veux aller? Jusqu'à ce que j'y pense plus. Bien, ouais, tu es assez grand, costaud. Avec trois bien tassés, ce sera peut-être suffisant. Et ça dépend si tu as le coup. Ah ben oui, parce que, attention, hein, boulanger, est-ce que tu tiens bien le coup? Ah, j'ai jamais essayé. Je bois que de l'eau. On va le savoir tout de suite. Voilà le numéro 2. Et Tugue, tu les compteras. Ouais. Attention, faudrait pas le tuer. Moi, j'en porte très bien 4 ou 5, mais... Moi, j'en ai porté jusqu'à 8. Et moi, j'en porte 10. Mais c'est mon métier. Eh bien, moi, c'est pas mon métier, mais... J'emporte une paire superbe. Bravo, hein. Ça va mieux, hein. Je ris, mais il n'y a pas de quoi rire, hein, parce que... Le curé m'a fait une messe toute entière pour moi tout seul, et puis il a parlé de ma femme, la pécheresse, la dévergondée, l'avertissement du Seigneur, et pas et couffer. Et il trouve que c'est bien comme ça, lui. Il dit c'est un bon exemple pour les autres maris du village. Mais il est fou, ce curé. Je l'ai dit le premier jour. Ah, il dit que ça va faire une expérience pour les autres maris du village. Ça va faire. Et pour moi, c'est à moi le malheur qui est arrivé. Et ça m'a pas fait réfléchir du tout, vous savez. Au contraire. Ça va, pêche. Bonjour, boulanger. Bonjour, maillot-fer, bonjour. Alors, boulanger, c'est officiel? Tu es cocu? Oh non. Ça, c'est un mot rigolo, ça. Ça, c'est un mot pour quelqu'un de riche. Moi, si c'était vrai, je ne serais pas cocu. Je serai malheureux. C'est pas pareil. Allez, tu comprends? Allez, à la tienne. Quatre. Ils reviendront d'ici 3-4 jours. C'est forcé quand on n'a pas d'argent. Dites aimable, à quelle heure il sera prêt le pain? Quel pain? Notre pain. Le pain que vous faites. Du pain, il n'y en a pas. Tu n'as pas préparé la deuxième fournée? Oh non. Le cher, il n'a pas eu la force. Oh non, la force, il n'a pas eu l'envie. Oh, tu en feras cet après-midi? Non. Ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain. Jamais. Et ces grands imbéciles qui le font boire avant notre pain, vous n'auriez pas pu attendre, non? Non, mais c'était pas la peine d'attendre, moi. C'est pour ma femme que je pétrichais. Je faisais d'abord son pain pour elle. Et puis après, puisque j'y étais, je faisais celui des autres. Mais ça, c'était pas du pain. C'était de l'argent pour elle. Quoi. Maintenant, puisqu'elle ne revient pas, du pain, elle ne revient plus. Alors, à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain. Alors, tu sais, moi, je fais. On ne peut pas faire deux choses à la fois. On peut pas être cocu et boulanger. Allez, tiens, Père. 5. Voilà. Eh bien, ça va mieux. Voilà, ça va. Ça va beaucoup mieux. Faites-moi. Oh, ça va mieux, hein. Faites-moi la place que je veux. Ah, voici. Voilà, instituteur. Bonjour, monsieur. Bonjour. On dirait que vous êtes joyeux. Non, c'est pas le mot. Je suis pas joyeux du tout. Je suis, dirons-nous, hop, allez, hop, optimiste. Et là, j'ai envie de vous faire la conversation. Eh bien, je suis venu tout exprès. Merci. Il est à point. Il ne faut plus rien lui donner. Ah non, la cure est terminée. Monsieur l'instituteur, quelquefois, on croit qu'une personne vous parle, et pas du tout. Elle chante pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Parfaitement. Allez, viens avec moi. Non. Ouh, attention, hein. Ouh là là. Écoutez, voilà les enfants, venez les enfants. Voyez, alors, une fois, j'étais à la foire, j'ai vu un monsieur, je ne le connaissais pas, il fait bonjour à la mère. Il m'a fait bonjour à la mère, et elle me tient un gracieux sourire. Alors moi, je lui réponds. Eh bien, il a pris un air très étonné. Eh bien, c'est lui qui a raison. Pourquoi? Parce que son bonjour n'était pas pour moi. Il n'était pas pour moi, le bonjour, c'est vrai, hein? Il était pour une belle femme qui était derrière moi. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger d'accident. Et c'est un accident qui arrive et là, les enfants, prenez-en de la graine et peuvent cultiver dans la pépinière. On devrait leur apprendre ça au catéchisme. Allons, boulanger. Non. Tout ce que vous dites est charmant. Mais ce n'est pas ce que nous devrions faire. Nous devrions aller chez vous. Et là, dans de bons fauteuils, nous pourrions boire encore un coup. Hein? Allez, ça, c'est une bonne idée. Qu'en dites-vous? Je dis que voici monsieur le marquis. Accompagné de son charmant petit. Préchi, préchi, Bonjour, monsieur le marquis. Monsieur le curé, je suis Garbier, le haut. Et je suis même très honoré. Monsieur le curé, il n'est pas boulanger, hein. Ça se voit, hein. Mais il n'est pas cocu non plus, hein. Quoique, ces choses-là, non, ça, j'aime rien. Moi, c'est maille ferme. Oui, allez. Hein? Venez, ah, mon ami. Je dis non. C'est pas pour vous mixer, monsieur le marquis. Au contraire, vous, homme plein de noblesse, plein de bonté, homme respecté par toutes les populations, je vous salue. Et je vous respecte trop pour dire du mal de ce roi. Vous avez vu, hein, il a une bonne tête, hein. On dirait un pain de 6 livres. Hein. Il fait plaisir d'avoir des marquis comme ça en Angleterre, il n'y en a même pas. Je te remercie, boulanger, tu es trop aimable. Maintenant, tu devrais venir te coucher. Non, je crois qu'Antonin a raison. Allez. Non, je crois. Non, il a parlé trop vite. Parce que pour une fois que je prends la cuite, il faut en faire profiter tout le monde. Alors, à propos, monsieur le marquis, est-ce que vous avez chanté en italien? Ah, non, pourquoi? Parce que c'est une chose importante. Écoutez. Alors là, c'est du parti. Oh non. Ça a l'air de rien, André. Et maintenant, une parenthèse. Je vous explique une chose. Maillefer, tu m'as dit que j'étais cocu. Bon, c'est un grade qui n'est pas pour toi. Tu pourrais suivre toute ta vie le peloton des élèves cocus que tu n'arriveras jamais. Parce que pour y arriver, il faut avoir une belle femme. Alors la tienne. Oh là là, elle a plus de poils au menton que de roses au bout des tétons. Les enfants, parce que si je lui avais fait un, hein, le malheur, il serait pas... Et venez, mon ami, venez. Justement, nous allons parler de vos malheurs, mais pas en public, entre nous, allez, venez. C'est ça. Eh bien, entre nous, ça devrait être défendu de parler en italien, et surtout de chanter en italien. Parce que, je vais vous dire, les hommes le comprennent jamais, et les femmes le comprennent toujours. Vous y êtes? Allez, tout à fait, non, allez. Non, mais vous... Allez, oh. Je vous chantez, allez, faites pas ça. Venez, gardons la moutonne, les moutonne, les moutonne. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et le lendemain matin, au petit jour, quand on va lui porter le café au lit, on ne trouve qu'un traversin. Et ça, ça fait un mystère de plus. D'ailleurs, le pape est italien. Hein? Il ne parle jamais en italien. Vous savez pourquoi? Il parle latin. Je le sais, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les femmes le suivent. Il est trop honnête pour ça. Si on m'avait dit qu'elle comprendrait l'italien, c'est un bon. Allez, venez, mon fils, venez. D'ailleurs, il ne faut rien prendre au tragique, vous savez. Et figurez-vous qu'en ce moment, j'ai des soucis. Hein? C'est pour ainsi dire des inquiétudes maritales. Hein, voilà. Vous comprenez, hein? Fort bien, fort bon, bien. Bon, alors, nous sommes d'accord. Alors, vous m'avez eu de deux messes, vous, il m'a eu, de deux messes et un serment. Alors, les deux messes étaient réussies. C'est vrai, excellent, deux messes. Excellent. Les deux se ressemblaient, hein? Ah oui, ça. Mais, hein, c'est naturel, oublions-le. Et disons que pour la messe, c'est un champion. Il est imbattable. Imbattable. J'espère que ces messes vous ont fait du bien. Ah, un bien immense, immense. Mais seulement le serment, alors là. Le serment vous a choqué? Oh, navré. Dévasté, désolé. Désolé, vous n'avez pas encore compris qu'avec les femmes, il faut s'attendre à tout. Mais avec les bergers, hein, si nous parlions avec les bergers, vous dites, tiens, je te donne une fougasse. Et lui, il vous prend tout. Les bergers, croyez-moi, c'est bien hypocrite. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est partie? Pourquoi? Vous croyez qu'elle est allée chez sa mère? Et après tout, pourquoi pas? Alors, elle irait chez sa mère à cheval. Pleure pas, boulanger. Viens te reposer, va, viens. Pas dans la chambre. Non, dans le fournil. Dans ton pétrin. Allez, foutez le camp, vous autres. Ne restez pas là, alors regardez comme une belle boulanger. Allez, c'est encore foutu, hein. Moi, je vous assure que ce berger, si je le tenais... Ah oui, alors, d'affamer tout un village, dites. Hein. Pourquoi, hein, je vous le demande. Moi, je trouve qu'il prend les choses trop au tragique. L'amour, évidemment, c'est intéressant. Mais ça ne doit pas empêcher le travail. Allez, pas de charme, il est midi, va, rentre chez vous. Je me demande même s'il serait souhaitable qu'elle revienne. Je suis persuadé que nous ne la reverrons jamais. Il y a des unions mal assorties qui, tôt ou tard, se terminent par quelques désastres. Je lui souhaite évidemment un prompt repentir, mais j'aimerais assez qu'elle ne veuille pas se repentir ici. Ah ben pourtant, Dieu pardonne toujours et il nous ordonne de pardonner. Dans un village comme le nôtre, je me demande si le pardon ne ferait pas courir un grand danger à la paix des autres ménages. Il est certain que pour des âmes simples, le pardon devient une sorte d'acceptation du mal. Exactement. Voilà pourquoi, tout en priant pour elle, j'aimerais bien qu'elle allât se faire pardonner ailleurs. Oh. Monsieur le marquis, je vous demande comment voulez-vous que je fasse du pain? C'est mon levain qui est parti. Je te comprends, boulanger. Mais pour le moment, vous devriez dormir un peu. Il parle de dormir comme s'il n'y avait qu'à fermer les yeux. Il n'y a pas que ça. Si je ferme les yeux, je vois des tas de choses. Alors, écoutez-moi, boulanger, vous avez l'estime de tout le village. Eh oui. Vous faites un pain délicieux. Je m'en flatte. Votre femme, par une erreur tout à fait incompréhensible, vous quitte. Incompréhensible, elle me quitte. Non. Pourquoi blasphémer? Ne sentez-vous pas que la méditation et la prière sont les seuls remèdes à votre malheur? Oh, mais la prière, c'est quand on a fait des péchés. Et à qui j'ai fait du mal, moi, hein? À qui, alors? Parce que le bon Dieu a permis que ma femme s'envole avec un gardien de mouton, il faut que ce soit moi qui demande pardon. Oh. Vous savez, votre bon Dieu, je le respecte, hein, mais à partir d'aujourd'hui, il m'en doit. Hein. Oh, il m'en doit. Que cette femme soit partie, c'est un crime que pour elle, c'est certain. Hein. Ça crève les yeux. Et puisque vous avez la conscience pure, réfugiez-vous auprès du Seigneur, il vous donnera tout ce qu'il ne vous doit pas. Il en parle à son aide, lui. Hein. Vous vous risquez rien. Hein. Votre bon Dieu est cloué sur une croix, il risque rien. Ça n'ira pas, hein. Le mien est parti, le mien. Vous blasphémez encore, mon fils. Alors, ne m'appelle pas ton fils, quand même, hein. Moi, j'ai l'âge d'être ton père, hein. Et alors, tu parles de choses que tu connais pas, hein. Alors, et je te souhaite de ne connaître jamais, hein. Sainte Cécile, la patronne, là, c'est une sainte, hein. Elle est douce, elle est belle, hein. Alors, si on te disait qu'elle est partie avec un berger, qu'est-ce que tu dirais? je dirais que c'est absurde et sacrilège. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'elle est allée chez sa mère, hein. Vous comprenez? Il est tout jeune, il n'a pas touché la vie, lui. Repose-toi un peu, boulanger. Maintenant que tu as la bonne cuite, essaie de t'endormir une heure ou deux, tu verras. Ah. En te réveillant, tu comprendras mieux. Ah, c'est Aurier, là. Je sais où tu l'as pris. Quand elle avait 16 ans, elle avait des seins comme des oranges. Et maintenant, ils sont vivants comme des pigeons. Oh, oula. Oh, oh, ses bras, oh, oh, l'odeur de ses bras. Oh, taisez-vous maintenant, c'est abominable, hein, oh. Oh, non, que c'était pas abominable, non. Et l'odeur de sa tête sur l'oreiller, là. Un soir, une nuit, elle avait fait un mauvais rêve, là. Elle pleurait en dormant. Ah, tout d'un coup, elle s'est jetée sur moi. Elle a mis sa figure contre mon épaule. Et elle a dormi là, là, avec ses cheveux chauds dans mon cou. Et maintenant, je suis tout seul. Et même, je suis dans le pétrin. Et un pétrin où ne pétrit plus, parce que... Je dis qu'elle est chez sa mère. Mais je commence à me douter qu'elle n'y est pas, oui. N'avez-vous vous-même aucun tort, hein? Avez-vous toujours été un bon mari? Oh non, non. Je suis vieux. Je prends du ventre, ça. C'est une injustice terrible pour elle. Parce qu'elle, c'est mon idéal, mais moi, je ne suis pas le sien. Maillefer dit que je suis cornard. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Écoutez, mon père, une femme aussi belle, aussi jeune qu'elle, ça doit avoir un mari superbe, hein? Jeune, musclé, bronzé, hein? Intelligent, hein? Jeune, eh bien, son mari, c'est moi. Hein? On peut dire que j'ai de la chance, hein? J'ai une chance de cocu, c'est tout. Lequel était trompé, c'est pas moi. C'est le bon jeune homme qui l'a mérité, parce qu'on me dit qu'elle me trompe avec le berger, pas du tout. C'est moi qui de figure, me trompe avec elle. Alors de quoi je me plaindrai, mais... Dis, tu te vois pas qu'elle devrait revenir quand même, hein? Eh oui, je trouve. D'abord, je suis sûr qu'elle reviendra. D'abord, c'est pour elle, parce que cet homme, il va pas s'occuper de sa santé, alors... Elle va attraper froid sur ce cheval volé, là, à 4 heures du matin. Aurélie, Aurélie, où es-tu? Couvre-toi, au moins. Je vous laisse, monsieur le curé. Il en a au moins pour 2 heures. C'est moi qui ai dosé les pernons. Je vais organiser les recherches. Merci, monsieur le marquis. Tenez, laisse la porte ouverte, hein. Oui. Parce que je vais te dire pourquoi mon père, hein. Il avait une poule faisane. Elle ne servait à rien. Mais il l'aimait, il va savoir pourquoi. Dieu le sait parce qu'il sait tout. Et alors un soir, comme d'habitude, on a fermé le poulailler. On n'a pas vu qu'elle n'était pas rentrée. Alors, quand elle est revenue, elle a été obligée de rester dehors. Et tu sais ce qui est arrivé? Non. Eh bien, le renard l'a dévoré. Alors laisse la porte ouverte, hein. Laisse la porte ouverte. Bien. J'avoue que j'ai été effrayé, véritablement effrayé par cette scène atroce tout à l'heure sur la place. Oh non, pas atroce, humaine tout simplement. Oh, cet homme-là n'avait rien d'humain. Au contraire, il était dans sa folie, toute sa faiblesse des hommes, il souffrait. Mais de quoi souffrait-il? Et de quoi souffrait-il? De l'amour qu'il a pour sa femme. Mais l'amour d'une femme peut-il causer de tels ravages chez un être raisonnable? Les êtres raisonnables, comme vous dites, n'ont pas seulement une âme immatérielle, ils ont aussi un cœur en viande. Pour vous, évidemment, l'amour physique n'est qu'un péché connu, classé, catalogué, et vous punissez, selon le tarif, ceux qui ont goûté aux joies de la chair. Eh bien, tenez, les joies de la chair, vous venez de les voir, hein, et vous avez pu constater qu'elles portent en elles-mêmes leur punition. Le boulanger vous a fait peur. Et oui, oui, oui. Quand je l'ai vu torturer de la sorte, je me suis dit tout à coup, c'est une véritable maladie. une maladie aussi soudaine que le choléra, la peste ou la rage. Et une maladie, tout le monde peut l'attraper. Bon, cela dépend du terrain. Oui, il me semble qu'il nous suffise d'être un homme. Je ne suis sans doute pas assez vertueux pour tenter le diable. Oh, je sais, monsieur le curé, que vous êtes un bon prêtre. Et monseigneur le sait aussi. Je suis comme le capitaine d'un navire qui verrait un autre navire éventré sur un rocher. Moi aussi, je pourrais me briser sur un roc. Ah, mon cher ami, pour faire un naufrage, il faut naviguer. Ceux qui restent sur le quai ne risquent rien. On peut, monsieur le marquis, prendre la mer sans le vouloir. Notre mission nous force à fréquenter des femmes, et je vous avoue simplement qu'il m'est déjà arrivé d'être frappé par un visage et d'en recevoir une impression mystérieuse, mais très vive. Si la bourrasque éclatait sur moi, aurais-je la force et le courage de courir jusqu'à mon abri? Oh, certainement. D'ailleurs, l'amour que nous avons vu tout à l'heure, vous savez, ne peut naître d'un regard ni d'un rêve. Hein. Certes, cet émoi que vous avez ressenti, c'était sans doute un premier frisson de la chair. Hein? Mais pour que la passion ait le temps de pousser ses racines, eh, il faut avoir consenti à la suite. Car la passion vit de réalité plus précise. Et quand le boulanger nous parlait de sa femme, oh, ce n'était pas son âme hein, qui nous décrivait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, enfin, j'espère en tout cas que le martyr du boulanger n'inspirera plus d'indulgence pour les pauvres pêcheurs que nous sommes. Il nous aura peut-être fait comprendre que l'amour n'est pas seulement un plaisir et qu'un débauché qui a 4 nièces est peut-être un homme qui a peur d'en avoir qu'une. C'est un point de vue. Oui, oui. Et il y a un autre point de vue. Il y a le point de vue de la truite qui nous attend sur votre table sous de fraîches rondelles de citron. Vous avez béni cette nourriture tout à l'heure. Oh, ce serait péché de l'abandonner. Monsieur le marquis Castan de Vaudel a l'honneur d'informer la population qu'une grande assemblée générale sera tenue aujourd'hui dimanche. On y discutera de la situation générale du village et de ses environs en ce qui concerne le paix. On essaiera de trouver en général, commun, une solution à la tragédie qui menace d'affamer toute une population laborieuse et qui constitue un véritable attentat à la morale et au ravitaillement. Signé Marquis Castan de Vaudel. Post Christum, Monsieur le curé, Monsieur l'instituteur, Monsieur le marquis et monsieur le boulanger assisteront à ces débats. Qu'on se le dise. Et pour me résumer, mes chers amis, je dis que nous n'avons qu'une solution. Nous avons le devoir. Je dis bien le devoir. D'oublier les haines familiales qui nous séparent les uns des autres, nous avons le devoir de nous unir. Oui, oui. Nous devons retrouver notre belle boulangère, non pas seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle représente notre pain quotidien. Oui. Elle n'est certainement pas loin. Les coupables sont partis ce matin de bonne heure. Et le cheval qu'ils m'ont envoyé n'avait pas fourni une longue course, vous savez que je m'y connais. Si nous organisons immédiatement les recherches, nous l'aurons retrouvé avant ce soir. Bravo. Préparons donc tout de suite et mettons en marche dès aujourd'hui notre croisade pour la belle boulangère. Bravo. présent, notre ami boulanger, si douloureusement éprouvé par cette fugue, mais qui sera consolé dès ce soir, va nous dire à son tour quelque chose. Mes amis, vous savez, je ne sais pas parler comme monsieur le marquis, hein, et comme je suis dans une situation ridicule, eh bien, ça ne sera pas un joli discours. Et en plus, j'ai peur d'être gêné par cette lampe, parce que si je remue un peu trop, j'ai peur de l'abîmer d'un coup de corne. Montez-le bien, boulanger. Vas-y, boulanger. Alors, excusez-moi de ne pas vous avoir fait de pain aujourd'hui et de ne pas vous en faire demain, hein. C'est à cause du doute où je suis, je m'en sens incapable. Alors, j'ai eu peur de vous faire du pain et de la sciure, ou de vous pétrer des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous me ramenez Aurélie, si vous dissipez ce doute, alors vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai du pain comme vous n'en avez jamais eu. Je pétrirai chaque fournée une demi-heure de plus, et dans chaque fagot, je mélangerai du romarin. Et pendant que la fournée se cuira, je ne dormirai pas comme on fait d'habitude, mais j'ouvrirai la porte du four toutes les 5 minutes pour ne pas le perdre des yeux. Je vous ferai un pain si bon, que ce ne sera plus un accompagnement pour autre chose, mais une friandise pour les gourmands. Il ne faudra plus dire... J'ai mangé une tartine de fromage sur du pain. On dira, j'ai dégusté une tartine de pain sous du fromage. Oh. Et chaque jour, dans chaque fournée, je pétrirai 5 kilos de plus pour les pauvres. Et dans chaque niche que je vous offrirai, il y aura un grand merci et beaucoup d'amitié. Mesdames et messieurs, après le discours que vous venez d'entendre, je ne peux rien y ajouter, sinon que je souhaite un succès complet à cette expédition qui se prépare. Voilà. Maintenant, j'avertis les croyants qui se trouvent nombreux dans cette assemblée. Il est 3h-5, les vêpres vont commencer. Quand même, hein, de faire tout ça pour cette espèce de créature. Oh, ben, si ça avait été moi qui avais voulu partir avec ce berger, on ne ferait pas tant d'estrambons. Non, non, je ne veux pas que tu y ailles. Mes miettes, c'est pour le pain. Oh, elle n'est pas belle, hein? Non, ça, on ne peut pas dire qu'elle est belle, hein? Mais ces femmes, c'est des vampires! Elle va te sauter dessus! Mais non, Miette, mais non, vaille! Tu t'es fait pour rien! Tous les hommes vont y aller, de quoi j'aurais l'air si j'y vais pas? Oh, ben, je les connais, les hommes! Mais si tu sens la parfumerie, oh, je te préviens que je ferai comme elle, et moi, ce ne sera pas avec un berger! Ah oui, je sais que le brigadier de gendarmerie te fait de l'œil. Celui de cette tulle. Oh, il est bel homme. Et lui, au moins, il a un costume. Tu veux une paire de gifles? Allez, allez, allez. Va dans le bec, on va, faut nu. Mais tâche un peu de le regarder, le brigadier. Je te ferai une caresse que tu mettras 8 jours avant de pouvoir t'asseoir. Oh, tonnerre, tonnerre, pense à tes enfants. Tonnerre, ne te laisse pas faire. Et au moins... Réservistes pareils, rassemblement sur deux rangs. Demi-tour à droite, droite. Là, voilà. Vous avez la carte? Oui, oui, oui, mon commandant. Bien. Le terrain à battre a été divisé en 12 secteurs. Chaque patrouille sera responsable de son secteur et devra rendre compte de sa mission avant 7 heures. Premier rang, un pas d'avant. Bien. Premier secteur. Alors, les chaussières. Mm-hmm. Les chaussières, par la ferme de Palanchon, 12 kilomètres, route carrossable. Les bicyclettes, hein? Oui. Oui, monsieur le marquis. Mon commandant. Oui, mon commandant. Bien, hopé. On peut y aller avec un costume de dimanche. Non, non, tenue de campagne. On peut emporter le fusil. Cavalier, tenez. On ne pose pas de questions à un supérieur. Oui, on peut emporter le fusil. Tu n'as pas l'intention de tuer quelqu'un? Et non, mais si j'aurais contre un lièvre ou un passage de grive. Eh bien, première patrouille européenne. Première de Panama. Et deux, c'est que. Alors, Saint-André, oui. Par le château de la. Ah, le château de la Pissardière, chemin de Bûcheron. Connaissez? Oui, mon commandant. Patrouille à pied européenne. Et mon commandant, moi, c'est, écoutez, c'est pas possible que je parte avec lui, là. Quoi, non ? On les voit chier à cause de ses hormones. Non, parce que figurez-vous qu'il a la prétention de me faire couper mes jambes. Alors, je dis... Toi, tu ne dis rien. Autrement, je te fous quatre jours. Rompez ! Première arme, trois pas en avant ! Ah ! Secteur ! Alors, le marre de Bourbon. Hein ? T'as compris ? Moi, je préfère mieux y aller tout seul. Et moi aussi. Ouais, ton parent était déjà fâché. Et nos grands-parents aussi. Alors, en service commandé et dans l'intérêt de l'escadron, vous allez former à vous deux la troisième patrouille et vous allez explorer le secteur du Mas de Bomsourne, compris rompé. Bien, mais on n'est pas forcé de se parler pour ça. Même pas de se regarder. Rompé ! Silence ! Première ! Quatre pas à la main ! Ils sont bien cachés, ou alors ils sont allés très loin. On ne les retrouvera plus. Voyons, mon cher ami, ils sont partis près de 30, il n'en est rentré que 6. Oui, mais ces 6-là, ils ont rien vu. Oh, écoute, boulanger, on ne pouvait tout de même pas te ramener 6 boulangères. Qu'est-ce que tu en aurais fait? Ah, il y en a, on va la nôtre. Alors, on est allé jusqu'aux olives. On a demandé aux passants, on a interrogé les femmes, rien. Et moi, un chien m'a mordu à la main. Et puis, à la Croix des Bois, on a croisé les frères Perrol qui revenaient de Maussade et du Château-Viran. Et eux non plus, ils n'ont rien trouvé. Hein. Continuez à chercher. Oh non. Ils nous ont dit que de penser à ta femme, ça leur avait monté l'imagination toute la journée. Et qu'ils ne pouvaient pas rentrer comme ça. Hein. Alors, ils sont allés faire un tour à Manosque et ils t'envoient bien le bonjour. Merci tout le monde. En voilà quatre qui reviennent, ils sont contents comme tout, ils le chantent. Ils chantent. Matelon, matelon, matelon. Un, deux, trois, boulanger. Vous l'avez trouvé? Ah non, nous ne l'avons pas trouvé, mais en cherchant ta femme envolée, nous avons trouvé mieux que ça. Nous avons trouvé l'amitié. On était partis en se faisant des brigues et on revient à nous embrassant. Oh, et que je meurs en me tortillant si ce qu'il t'a dit, c'est pas vrai. Eh, boulanger, regarde. Pardonne-moi, Antonin. Hein. Je te pardonne quoi? Je voulais te faire couper des arbres magnifiques, des arbres que tu aimes. Peut-être, mais ces arbres, ils t'ont assassiné, tes épinards chiens. Et ça ne va consoler jamais. Antonin, les jambons, je ne les taille pas, je les arrache. Et vous avez trouvé quelque chose avant de vous saouler la gueule? Et nous allons vous le dire, mes avants. Une, deux, trois. Merci, boulanger. Merci pour l'amitié. Et maintenant, on va lui raconter tout comme il faut parce qu'il y a quelque chose qui l'intéressera. Figure-toi qu'on s'est retrouvés tous les quatre au château de la Pissardière. Là, il y avait le monsieur et on lui a raconté ton malheur. Il a rigolé comme un bossu. Oui, il vous a fait boire. Oui, il nous a fait boire. Et raconte un peu, Barnabé, que j'ai pas l'air de parler tout le temps pour me faire valoir. Un peu à toi, mon ami. Ah, oh, merci, Antonin. Alors, figure-toi que le monsieur, qui est un artiste, hein, il a fait une chanson. Ah ben non, il a fait des paroles pour te remercier de nous avoir rendu l'amitié. Attends, oui, ah oui, ton papa, il nous a donné un cadeau pour toi. Attends, là, voilà, c'est le cadeau que ta femme t'a fait. Voilà. Ça vient de ma femme? Oui. C'est pour moi? Ah, c'est pas pour monsieur le curé. Alors, il a vu, alors, elle a pensé à moi. Elle a pensé à moi. Et maintenant, nous allons lui chanter la chanson du monsieur. Un, deux, trois. Depuis qu'il emporte le diable, mon porte, il ne peut plus passer sous les portes. Chantons, merci, berger, vive les cornes, vive les cornes. Chantons, merci, berger, vive les cornes, vive les cornes. Merci. Vous êtes bien aimable, merci. Attends, de vous voir fou comme ça fait penser que je ne vous ai pas offert à boire. Ah. Je descends à la cave chercher quelques bouteilles. Céleste. Prenez verre dans le buffet. Alors c'est une bonne idée, boulanger. Prends du rouge et du blanc qu'on puisse choisir. J'ai du rosé. Ah. Il y a tout de même un minimum de délicatesse. Nous voulions tourner la chanson en plaisanterie. Et puis quoi, sa femme est partie, hein, oh. Après tout, il n'avait pas acheté, hein. Et ça diminue pas son pied. Ah, et puis de la façon qu'il prend la charge, on dirait qu'il a perdu un hectare. Oh. Et encore, si elle était malade ou si elle était morte. Moi, je comprendrais qu'il se passe des mauvais seins. Ouais. Mais enfin, quand même, là, il sait qu'elle est heureuse. À tous les cas, qu'elle ne s'ennuie pas. Bon, il reste bien longtemps à la cape, Miette. Vous devriez aller voir ce qu'il fait. Mon Dieu, s'il allait se détruire. Oh, c'est Gérard et Joseph. Venez vite, il va se pendre. Il a accroché une corde à la poutre du jambon. Il est monté sur une... Boulanger, ne prends pas cette poutre que là, je suis déjà pas dit. Ça te porterait malheur. Laissez-moi tranquille, vous autres. Écoute, boulanger, tout ce qui t'arrive, tu le vois pas. Mais attrapez ses pieds! Prends-le du bon côté, vous l'avez dit! Tu ne le prends pas du bon côté! Je suis fougé, tout petit effort pour le prendre du bon côté! Oh. Où est le boulanger? Où est le boulanger? Ah! Il est pendu à la poutre déjà! Boulanger! On va retrouver ta femme! Et ça va passer! Laissez-vous faire, on l'a retrouvé! Le couteau! J'ai perdu le couteau! Mais dépensez-moi! Puisque même ma femme est revenue! Des bras. Enfin, le mal n'est pas si grave, tout est bien qui finit bien. Céleste, à moi les enfants. Un peu de calme, s'il vous plaît. Où est-elle? Alors, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici, mais on sait où elle est. Elle n'est pas loin. Mais elle est vue? Non, moi non. Alors écoute, je vais y faire patience, le pêcheur. Je rentrais de Mérargues avec Félix. Nous n'avions rien trouvé, nous étions tout tristes pour toi. Et à l'entrée du village, nous rencontrons de patience. Alors, il me fait, c'est pour rien, il me fait... Et vous, la femme du boulanger? Il me fait... Alors, je lui fais, mais quand ça? Mais je lui fais, et quand ça, il me fait... Hein? Il y a une heure. Je lui fais, mais où est-elle? Et là, il me fait, patience, il me fait... Je vais lui dire à nous. Je ne lui ai pas donné davantage parce que je le connais. Oh, ça, c'est une vraie tête de bourrique. Si on questionne, il répond plus. Hein. Il est sûr qu'il l'a vu? Non, s'il l'a dit, c'est qu'il l'a vu. Et il va te renseigner. Seulement, attention, surtout, je te recommande bien de ne pas lui poser de questions, de ne pas l'interrompre, sinon il s'arrête, il se lève, il s'en va. Oui, et vous, mesdames, hein, tâchez un peu d'écouter ce vieux maboule en silence! Le voilà! Ah! Bonjour, monsieur le curé, vous savez quelque chose? Bonsoir. Non, mon ami, je venais aux nouvelles. En avons-nous? Alors, oui, nous ne savons pas encore lesquelles, mais nous savons que nous en avons. Maillefer l'a vu. Voilà, Maillefer! Voilà. Bonsoir, la compagnie. Bonsoir, patience. C'est ta fête, boulanger? Peut-être, Maillefer, c'est peut-être ma fête. Ça dépend de ce que tu vas me dire. Alors, je crois que c'est ta fête. Tu as vu ma femme? Ah, écoutez-moi, hein. Si on me coupe quand je parle, je ne peux plus rien dire. Je sais pas si tu le sais, mais au concours de boules de Péruy, en 1926, ou 27, non, 26, oui, c'est l'année que ceux de Pommiers ont gagné le concours. Au concours de boules de Péruy, j'ai reçu une boule sur la tête. Tiens, touche la bosse, elle y est encore, et je l'aurai jusqu'à ma mort. Touche la bosse, je te dis. Eh bien, depuis cette bosse, si on me coupe, je ne trouve plus le fil. Va, parle, Maillefer, parle. Personne ne te coupera. Bon. Alors, ce matin, vers les 3 heures, j'étais dans mon lit et je pensais à ma pêche de la journée. Je me disais, le temps est au calme, tu vas aller au brochet du côté du Gourde-Roubaud. Justement, tu as du vif dans le vivier et du beau vif. Hein. Tu iras au brochet. C'était mon idée d'aller au brochet. C'était pas une bonne idée que le temps qu'il faisait. C'était une excellente idée. Mais tout d'un coup, ben, j'étais dans mon lit, comme je vous l'ai dit. Tout d'un coup, j'entends bouger les feuilles des arbres. Je me dis, ça y est, voilà le Mistral qui se lève. Et à ce moment, un volet claque contre un mur. C'était le volet de la cuisine de Mademoiselle Angèle. Tu l'as pas entendu? Non, je n'ai rien entendu. Tu n'as pas entendu claquer au volet de ta cuisine? Mais non, j'entends pas tout, moi, tu sais. Ah, elle est sourde, elle est gâteuse. Hein. Bon, alors, je me lève. Et je sors. Ah, c'était du vin, mais il était pas franc, hein. Une espèce de Mistral bâtard, là, qui jouait presque aux quatre coins. Alors, je me suis dit, adieu brochet, avec la canne de 5 mètres, un vent pareil qui va peut-être forcir, tu vas te casser le poignet. Alors, j'ai bien réfléchi. Et je ne me suis pas décidé. Oh ! Alors j'ai traînassé toute la matinée dans le village. Je suis venu ici et l'histoire de ta femme nous a fait une distraction. À midi, je mange une poignée d'olives, une poignée d'amandes et je me mets dans l'idée d'aller pêcher au marais de distance. Alors je prends une petite canne, une boîte de verre de fumier, des rouges. Et je descends vers les marais. Et comme j'arrive derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Il me semble que j'entends chanter. Ouais, taisez-vous les gars! Il y a Maillefer qui raconte tout. Excusez-nous, je ne savais pas. Il n'a pas encore dit, mais ça approche. En même temps, le retourné à la carte, ils ont encore bu. Excusez-nous, mon boulanger. Mais on ne savait pas que Maillefer avait commencé à parler. On aurait pu nous attendre avant de commencer, quand même. J'ai monté les bouteilles pour masquer le coup, tu comprends? Et c'est que le coup de la corde et du tonneau, il valait pas mieux qu'elle se sache pas. Tenez-vous, espèce d'ivrogne! Alignez-vous contre le mur! Alors, Maillefer, tu t'approches de la haie et là, qu'est-ce que tu vois? Oui, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je m'en rappelle plus. Oh. Ah! Je vois ça! Une caprille! Ah, elle était vivante, bien entendu. Et elle nageait doucement avec ses belles nageoires grandes ouvertes. Je me cache bien. J'amorce avec deux verres en croix et par-dessus la haie, je lance ma ligne. La palme tombe juste devant le nez. Hop, elle en saute. Top, je la ferme. Et alors, ça a commencé. La première secousse, je m'y attendais, je lui laisse du fil. Mais la seconde, elle a été tellement imprévue qu'elle m'a surpris. Je croyais qu'elle allait tirer à droite. Top, elle tire à gauche. Mon chien était tordu, pire qu'une baleine de parapluie. Ah, c'est pas tout le monde qui peut pêcher une caprine. Tout est là, tenez, ça. Allez, hop. Et alors, à la troisième secousse... À la troisième secousse, tu commences à nous emmerder. Quoi? Eh ouais, c'est un peu long, non? Hey, tu as pas un pauvre diable qui s'estracine là, que tu le fais attendre exprès, non? Hey, hey. Bon. On m'a coupé, je m'en vais. Ouais, tu vas y faire. Malheur, on va y faire. Hop! Wessel! Wessel, ma femme! Wessel! Tu le vis? Parce que si je te commence, moi, je te finis! Au secours, boulanger, enfin! Laissez le faire! Il a raison! Vas-y, boulanger! Introduis sa masse dans la tranche! Je compte jusqu'à trois! Au secours! Deux! Ils sont dans une île, dans le marais! En face de la ferme du Jean Blanc. Tu les as vus? Laisse-moi respirer. Faites-moi boire un coup à la bande de l'assassin. Calme-toi, Maillefer, calme-toi. Celle-là, elle est forte. Manquer d'être assassiné parce qu'on apporte une nouvelle. M'enfoncer la bosse, par exemple. Il y en a qui ont des toupées. Ça n'arriverait pas à une gendarmerie, ça. Faites les bains à Bertrand, t'es loin dans une cagade. Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? La Chine! Ne me bouscule pas. Bon. Alors, pendant que je pêchais un autre poisson, je te passe l'anguille, la tanche, la carpe, la truite, le goujon, la blette. Tout d'un coup, derrière les osiers, j'entends une voix de femme. Une voix de femme qui chantait. Ah, nous y voilà. Je m'approche de Garapachon en me cachant sans faire de bruit. Je regarde entre deux feuilles, et qu'est-ce que je vois? Une anguille! Tais-toi, imbécile! Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, une anguille qui chantait. Je veux dire, ta femme qui chantait. Le berger était couché dans l'herbe, il jouait de la guitare, tranquille, joyeux, comme un chômeur de profession. Et ta femme, ben, elle chante bien. Si elle chantait... C'est qu'elle était contente. Elle en avait l'air. Et surtout qu'elle était toute nue. Oh. Oh. Toute nue? Oh, pour ça, oui. Ah, oh, bah, naturellement. Ah, elle est belle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être est-elle tombée à l'eau et alors pour sécher son linge au soleil. Oh, c'est sûrement ça! Bien, elle prenait un bain de soleil, hein. Après tout, pourquoi pas? Ah, mais moi, vous savez, rien ne m'étonne, mais là, hein. Et ensuite? Alors, ben, j'ai regardé un petit moment et puis je suis parti sans faire de bruit. Il y a une cabane dans cette île, je crois qu'ils habitent là-dedans. Et c'est loin d'ici? Une bonne demi-heure à pied. On y va tous! On prend les fusils et on y va tous! On prend les fusils! Et si le berger veut pas la rendre? Ah ben, si veut pas la rendre, on va lui prendre. Allez, joue boulanger, on y va! Silence et tâchons de ne pas dire de bêtises. Allez-vous-en tous au cercle, j'en fais le tournée général. Et nous, nous allons dresser notre plan. Alors, sortez! Alors, toi, tu n'y vas pas? Non, monsieur le marquis, non. Moi, je ne veux pas l'avoir vu en dehors de chez moi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans cette maison. Et la prochaine fois que je la verrai, ça sera ici, alors. Ce qui a bien pu se passer entre ces deux moments, au fond, moi, je ne sais rien. Ah oui, mais alors, qui va nous la ramener? Moi, j'ai dit, monsieur le marquis, qu'il faut envoyer le moins de monde possible, vous voyez. Une ou deux personnes, pas plus. Et la personne qui allait, c'est monsieur le curé, parce que il a une bonne voix, là, hein. Il sait parler, il a l'habitude. Ça, c'est vrai. Et puis, la spécialité des curés, c'est de chasser les démons. Ouais. Et alors, il y aurait donc un démon dans cette affaire. Soyez-en persuadés, monsieur. Le démon a sa part dans tous les péchés. Alors, il en serait donc le seul responsable. Ah, voilà, monsieur l'esprit fort. Monsieur supprime la responsabilité du pécheur et la reporte tout entière sur le malin. Mais non, monsieur, non, nous avons tous notre libre arbitre qui nous permet de repousser les tentations. Ainsi, dans cette cabane près du marais, la présence du malin est indiscutable. Mais notre femme a à ses côtés son libre arbitre et elle pourra s'en servir quand elle voudra. Ah non, qu'elle ne s'en serve plus. Alors, hein? Alors, surtout pas. Qu'elle revienne tout de suite sans rien dire, hein? C'est tout ce que je demande. Et le libre arbitre, il peut aller garder les moutons, il voudra. Moi, je lui casse la gueule. J'en fais des fougasses, le libre arbitre. Non, mais, mon pauvre ami, vous n'avez pas bien compris. Mais si, j'ai très bien compris que ce berger est un sorcier, comme tous les bergers, d'ailleurs. Alors, quand il a vu ma femme, il lui a fait un charme, là. Il lui a jeté... un sort, hein. Il lui a mis le démon dans le corps. Le diable au corps. Exactement, et quand ce diable va, monsieur le curé, sans forcer de se sauver en criant, et alors ma pauvre femme, elle sera sauvée. Ah, il est certain que mon berger est très pieux. Il est très pieux, d'ailleurs, il est farci de médailles, mais enfin, je veux dire qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est bon signe. Et ma femme aussi, elle a un scapulaire, ma femme. Ça veut dire quelque chose aussi, ça. Seulement, il faudra traverser le marais, puisqu'ils sont dans l'île. Nous n'avons pas de bateau et on ne pourra pas passer si on n'a pas les bottes en caoutchouc. Ah, mais je peux prêter les miennes, monsieur le curé. J'ai de grandes bottes cuissardes, moi. Et Maillefer, il conduira monsieur le curé, hein? Pas vrai, Maillefer? Je veux bien, seulement il faut que je vous prévienne. De marcher dans le marais, c'est dangereux. Il faut connaître les sentiers qui sont sous l'eau. Celui qui ne les connaît pas, ben, si le pied y glisse, adieu aux bottes. Pour monsieur le curé, ça serait un voyage direct au paradis. Si j'en étais sûr, je ne m'en plaindrais pas, mais je ne suis pas certain du terminus. Non, mais je les connais, moi, ces marais, j'ai chassé bien souvent. Et en quoi cela nous avance-t-il? Alors, il y a une solution très simple, bon, un peu bizarre, mais excellente. Et quoi? Eh bien, monsieur l'instituteur mettra ses bottes en caoutchouc et portera monsieur le curé sur son dos. C'est le mieux! Allons donc, ce serait ridicule. Mais qu'est-ce que ça fait? Il n'y aura personne pour vous voir. Il n'y a que ça à faire, monsieur le curé. Faites-le monter sur le dos de l'instituteur. Non, mais moi, je veux bien, hein, je veux bien. Remarquez, en effet, vous m'avez déjà dit que vous vous considérez comme un animal. Si monsieur l'instituteur consent à servir de monture à un prêtre, ce sera un hommage involontaire sans doute, mais tout de même, un hommage à la supériorité du clergé. Oui, enfin, ce sera surtout un petit sacrifice à la douleur du boulanger. Voyez. Disons que ce sera les deux à la fois et non pas l'autre. Et ce sacrifice sera fait pour soulager la peine d'un de mes semblables, sans aucune idée de récompense et sans aucun espoir de paradis. Oh, mais qu'en savez-vous? Je sais très bien que j'aurai pas au paradis. Non. Est-ce que vous croyez que votre bêtise vous met à l'abri de la bonté de Dieu? Ah, s'il va jamais à l'église, c'est sûr qu'il n'ira pas au paradis. Mais qu'en savons-nous? Le châtiment de l'incroyant, ce sera peut-être le pardon de Dieu. Un pardon total, humiliant, éblouissant, divin. Et la vengeance du Seigneur, ce sera la déchirante révélation de sa bonté. Moi, je crois que si on allait chercher ses bottes tout de suite, ça nous avancerait mieux que ces magnifiques discours. Allez. Tu vas faire trire? Non, j'avais pas le courage. Avant de l'avoir vu, j'aurais pas le courage, vous savez. Je suis sûr qu'il lui dira ce qu'il faut, parce que c'est un curé, quand il parle, on est forcé de l'écouter, alors. Alors voilà. La soupe est prête. Hein? Si elle déborde, vous n'avez qu'à mettre le couvercle de côté. Les petits pois sont cuits, Je les ai mis à côté du feu. Oui. Et le four de la cuisinière. Il est bien chaud comme il faut. Merci, merci, chef, merci. Oui. Qu'est-ce que tu fais là, boulanger? Vous savez, moi, je suis sûr qu'elle va revenir, alors je prépare, hein, je prépare. Mais tu prépares quoi? Veux-tu bien me donner ce balai? Mais qui m'a foutu un idiot pareil? Sais-tu ce qu'il faut faire avec ce balai? Il faut scier le manche pour l'avoir bien la main. Et quand elle va revenir tout à l'heure, tu vas me lui foutre une danse, hein, qui lui persuadera la vertu. Mon Dieu. Oh, c'est qu'elle l'aurait bien mérité. Non, moi, vous savez, j'ai préparé la cuisine. J'ai fait les vitres, maintenant, je vais faire la chambre et préparer notre lit, hein. Bon, alors tu n'es pas cocu par accident, hein, tu es cocu de naissance. Allez, va, allez, mon ami, va. Allez, allez. C'est une bien étrange chose que le pain de tout un village dépende du retour d'une femme adultère. Ouh, même si elle revient, je me demande si elle restera. Mais... bien sûr que non. Le premier qui passe, il va se l'emporter. Hein. Oh, ben moi je trouve que vous manquez de charité chrétienne. Oh. Vous devriez avoir pitié d'une malheureuse qui va griller dans les flammes de l'enfer. Bien sûr qu'elle repartira avec le premier venu. Bien sûr qu'elle vous prendra vos maris, l'un après l'autre. Bien sûr qu'elle a le diable dans le sang et la méchanceté dans tout le corps. Mais ce n'est pas à nous de juger. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Moi, ce qui me dégoûte un peu, c'est qu'elle va tripoter le pain. Quelle horreur! Boulanger! Boulanger! Boulanger! Ah, boulanger, notre boulanger est en bas, ça y est. Où? Quand il est à monter, elle s'est assise à un moment sous la tonnelle du papier, il est avec monsieur le curé qui lui fait un peu la morale. Pas de la morale, méchante. Ah, bah la morale, ça n'est jamais très gentil, ça. Il la fait pas pleurer, quand même. Ah non, non, non, au contraire, il la console. Et pourquoi elle n'a pas voulu monter? Ah, elle veut rencontrer personne, elle a honte, alors elle attend la nuit. Oui, alors elle a dit que si elle voyait un seul habitant du village, elle s'en retournerait. Ça, c'est la pudeur, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la pudeur. Oh, sans aucun doute. Je lui demanderai si elle a le temps de me donner quelques leçons de pudeur. Vous savez, demandez-lui ce que vous voulez. Elle ne refuse jamais, alors. Nous ne le savons que trop. Et alors l'autre, là, le berger, l'autre, qu'est-ce ça, qu'il a fait? Dès que monsieur le curé a parlé, le berger a pris peur. Il s'est enfui à la nage, tout habillé. Il a été ridicule. Ah, ridicule, tablier. Alors, vous allez le reprendre, ce ridicule-là. Non, s'il revient, je l'enverrai à mon mas en Camargue. Il vaudrait mieux qu'il ne pas chercher le pain, vous savez. Il vaudrait mieux. C'est celui-ci. Et voilà. Il monte par la rue Guigny-Ribotte, tout le monde est dans les maisons. Et vous autres, restez pas ici. Allez, allez. Excusez-moi, monsieur le marquis, mais on lui a promis. C'est un stanchoir, cette femme, qu'on peut même pas la regarder. Si elle rencontre quelqu'un, elle s'en ira. Si elle s'en va, le pain s'en va avec. Et si ça arrive par ta faute, je te ferai une caresse que tu pourras plus t'asseoir de lui. Allez, sous, à la maison. Adieu, boulanger. Ne te fais pas trop d'émotions. Tu sais, ton amitié, je l'oublierai jamais. Hein? Alors, quand tu viendras chaque jour chercher le pain, ne le prends pas à la boutique, hein? Le tien, il sera à la cuisine. Merci, boulanger. Tu sais, j'ai pas fait plus que les autres. Non, hein? T'as pas fait plus que les autres, mais tu as fait mieux. Tu n'as pas ri. Alors, merci. Paris? Paris, c'est la capitale de la France. Allez, allez, allez, allez, allez. Bonne gens, rentrons chacun chez nous. Allez. Vous venez, mademoiselle Angèle? Oh, bah non, pas moi. Je ne bougerai pas d'ici. Je tiens à voir le piteux retour de la femme adultère. Ah, il est défendu de la regarder. Eh ben, je la regarderai, moi, et sous cette lampe, pour qu'elle me voie. S'il suffit d'être une femme perdue pour être la reine d'un village, alors à quoi ça sert, la vertu? Ah, mais à rien, ça. À rien du tout, ça. Je suis heureux que tu t'en aperçoives aujourd'hui. Tu as gaspillé 40 ans, ma belle Angèle. Mais nous allons réparer ça tout de suite. Viens, quand je dénoue cette gorge, que je flatte cette croix. Alors, ne dites pas des choses pareilles. Si vous avez une proposition sérieuse à me communiquer, venez au grand jour et devant ma mère, car je ne suis pas celle que vous croyez. Mais, Angèle, viens, ma cousine Angèle. je vais m'enfermer au cercle avec Casimir. S'il y a quelque chose, je vous ferai prévenir. Voici votre foyer, ma fille. Priez un moment, Dieu vous aidera. Que la paix soit avec vous. Ce que tu as fait, qui te le demande? Tu le sais? Ah oui, forcément, je sais. Oui. Je t'ai fait du mal? Oh, j'étais beaucoup inquiet parce que tu m'en as pas dit, tu comprends. Alors. Tu pars, toi, comme ça, quand ça te prend et que tu m'avertis pas. Alors. Tu me dis même pas où t'as mis la boîte de café. Alors. Et les mouchoirs et le bouton de colle, je le cherche depuis 2 jours, tu comprends. Tu as eu envie de voir ta mère, je le comprends, je te le reproche pas. Tu n'as pas voulu me le dire parce que je suis un peu trop autoritaire, d'accord. Je le comprends, mais enfin, ta mère, est-ce qu'elle ne pouvait pas m'envoyer un télégramme, hein? Est-ce qu'elle ne pouvait pas me rassurer? Enfin, tout de même, elle était raisonnable puisqu'elle t'a renvoyé tout de suite. Tu n'as pas eu froid, moi? Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je suis si content de te revoir. Tu ne vas pas me faire une maladie, hein? Viens, viens t'asseoir. Va, ne reste pas là, viens, viens. Assieds-toi, assieds-toi, ma belle. Tu dois avoir faim. Tiens, moi, j'ai préparé à manger pour moi ce soir parce que je ne savais pas si tu allais revenir, mais... Et mange, va. Mange, parce que moi, j'ai pas faim, mange. Ne me pardonne pas comme ça, ça me fait mal. Ne me parle plus de pardon, parce que tu sais, ça finirait par me donner des idées. Hein. Ça t'étonne, hein, de me voir pétrir à cette heure-ci. Hein. Hein. Je ne sais pas. Il faut que je t'avoue une chose depuis que tu es parti, mais... Je ne me suis pas bien conduit. Hein. Oh, n'aie pas peur, c'est pas bien grave. Mais enfin, comme j'étais seul, j'en ai profité pour boire des apéritifs, tu vois. Une folie. Il m'a pris comme ça, bêtement. Un coup de folie, ça peut arriver à tout le monde. Alors, d'ailleurs, j'ai été malade comme un chien. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait le pain. Alors, dans le village, ça les a ennuyés. Et je leur ai promis de en faire pour ce soir. Voilà. Voilà maintenant la vérité, tu sais tout. Voilà. Et celui-là? Qu'est-ce qu'il l'a fait? Ah oui, ça c'est moi, ça. Il a une drôle de forme, hein. Il a une forme comique, hein. Ah, je l'ai cuit dans le four du poêle de la cuisine. Alors j'ai jeté un morceau de pâte comme ça, au hasard. Et regarde un peu comment la pâte est allée tomber. Enfin, je l'ai fait celui-là que pour toi, enfin. Enfin, pour moi, je dis pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Mange, Aurélie, mange. Fais-moi plaisir, mange, hein. Mais tu sais tout? Oh oui, tout ce qui concerne le pain, tu vois. Ça me suffit, j'ai pas besoin de savoir autre chose. À quoi ça me servirait? À ne pas être ridicule. Ah, tu veux pas que je sois ridicule? Non. C'est la première et la seule parole d'amour que tu m'as dit, alors. Alors, je sais plus quoi faire. Ah, tiens, te voilà, toi. Ah, la voilà, la pomponnette. Hein? Garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens. Et le pauvre pompon dit... Il s'est fait un sang d'encre. Hein? pendant que tu tournais, tu virais, hein, avec ton chat de gouttière, un passant, un propre à rien. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Rien. Ah, toi, tu dis rien. Mais elle, si elle pouvait parler ou si elle n'avait pas honte, elle me dirait, il était plus beau. Et qu'est-ce que ça veut dire, beau? Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite différence de l'un à l'autre? Hein? Et c'est pas parce que les lions sont plus forts que les lapins, que les lapines doivent leur courir derrière en clignant de l'œil. Hein? Et la tendresse, dit la tendresse, dit, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ton berger de malheur, est-ce qu'il se réveillait la nuit pour te regarder dormir? Est-ce que si tu étais parti, il aurait laissé refroidir le four s'il avait été boulanger? Allez, va, bois-lui son lait, ça lui fait plaisir. Hein? Tu as eu faim, tu as eu soif, hein? C'est pour ça que tu es revenu, hein? Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu as envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Non, elle ne repartira plus. Plus jamais. Oh, Aurélie. Oh, Aurélie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Si tu allais te coucher... Non, je veux rester près de toi. J'ai froid. Écoute, c'est le moment de rallumer le four, hein. Viens, ça nous réchauffera tous les deux. Viens. Tu vois, tu t'en vas, il s'éteint, tu vois, tu reviens, tu l'allumes. C'est normal, c'est naturel. Hein? Ah. Ah. Oh, cette fumée-là, j'ai beau avoir l'habitude, elle m'a toujours fait pleurer.